Nadia Ali, remixée par Alesso, pour terminer ce Before Party Fun. Excellent morceau, j'adore. Très bon choix, Adrien, ce soir, ouais. Minuit, Party Fun. Ouais, on se retrouve ce soir avec Zara Larsson, justement. Ain't My Fault, je vais jouer le remix de Riab. Non, elle va pas revenir, je vais jouer son nouveau morceau remixé par Riab ce soir dans l'émission. Il y aura le nouveau Cashmere, Sam Felt, et puis un remix de Mike Perry aussi à minuit. À pas louper tout à l'heure. 22h, le Night Show avec Marion et Anso. Et tout de suite, 20h jusqu'à 22h, vous allez parler de sexe, d'amour et de ouais, tout. Ouais, c'est ça, oui. Avec. Oh putain. Oh putain, non, pas lui. C'est qui? C'est JB, il a téléchargé l'application de Jeremy Star. Il est fan de Jeremy Star. Bah ouais, il adore ça. Eh ben écoute, ouais. Bravo, félicitations à toi, JB. Alors, attendez, écoutez bien. Ah. Coupe-moi la musique, s'il te plaît, Adrien. Salut, c'est Jeremy Star. Je hurle quand j'écoute JB entre 16h et 20h sur Fun Radio. Bonne émission. Ah oui, il est dans le délire. Hein. Ouais, c'est ce qu'on appelle ramer pour récupérer tous les auditeurs qui sont partis. Là. Eh ben, on y va, c'est parti. Le Fun. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Bonsoir à tous. Vous avez choisi Fun Radio pour attaquer la soirée. Vous avez bien raison, puisque oui, c'est ici que ça va se passer. Comme chaque soir de 20h à 22h. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée. Ce serait un rêve de croire que tout le monde a passé une bonne journée. En tout cas, je peux vous promettre un truc. Vous allez passer une bonne soirée avec nous. On est très content d'être avec vous. Love in Fun tous les soirs, ouais. Du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Je m'appelle Karel. Doc est avec nous. Salut à toutes et à tous. Salut Doc, salut beau gosse, ouais. T'as vu comme elles sont belles les filles dans cette émission, sans déconner. On a je pense les filles les plus belles en radio. Oh, le problème, c'est qu'on fait de la radio, quoi. Ça ne se voit même pas. Si, on est filmé tous les soirs. Funradio.fr, comment ça va, Alice? Bah écoute, ça va. Il y aura du chiffre ce soir? Oui, il y aura du chiffre et pas des moindres, parce qu'on va parler des gens qui se sont déjà blessés en faisant l'amour. Oh putain! Ah ouais, des accidents. Ouais. On va même parler de fractures. Ça va assez loin. Ouais. Ça sent la fracture de pénis, les amis. 01 42 48 5000, bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler pour réagir. Vous faites ce que vous voulez dans cette émission. Godefroy est à l'aréa, Cassim le producteur et Cindy et Guillaume qui décrochent déjà le standard. Hein. 01 42 48 5000. On va accueillir notre auditeur du soir. Il s'appelle Vincent, il a 16 ans et il nous appelle de Mulhouse. Bonsoir Vincent. Salut. Salut toute l'équipe, comment ça va? Ça va. Salut. Bien Vincent, tu vas être notre star ce soir Vincent. Ah j'ai hâte. Eh bah oui, bah ça y est, tu l'es. Tu es notre star Vincent, tu es l'auditeur du soir. Ça veut dire que tu vas passer l'émission avec nous pendant les deux heures. Si t'as un truc à dire, tu veux réagir, on verra régulièrement prendre la température du côté de chez toi à Mulhouse. Vincent, tu fais déjà toi un petit peu de radio il paraît? Bah ouais, en fait je fais déjà un peu de radio, donc j'anime dans une radio locale déjà, donc dans ma région, en Alsace. D'accord. Et samedi, je vais lancer ma web série qui s'appelle Entre Potes. Entre Potes, ah, c'est bien ça. Une web série comme ça, vous allez filmer et puis vous allez foutre T'as déjà filmé? Ouais, voilà, c'est déjà filmé. Et puis l'épisode 1 sort ce samedi sur YouTube à 18h. C'est quoi la trame? L'histoire, c'est une bande de potes qui vont faire une coloc. Ça va être très marrant. D'accord, ok. tu le vends super bien. Tu nous dis que ça va être marrant. On ira voir, ça sort, tu nous as dit samedi, c'est ça? Ouais, et vous pouvez aller aimer la page Facebook aussi, c'est Entre Potes. D'accord, on aura l'occasion d'en parler. Vincent, je te dis, tu es notre star ce soir. On va accueillir tout de suite Théo. Merci beaucoup. Théo, il n'y a pas de problème, Vincent. Il est très poli, Vincent, vraiment. Ça fait plaisir. Théo, t'as 16 ans, t'es à Reims. Salut Théo. Salut tout le monde, salut Karel, salut Doc. Salut Théo, tu viens juste d'appeler là au standard. Là. J'ai entendu le numéro et ce serait pour savoir si vous pouvez m'envoyer un petit cadeau, ce serait super sympa. On nous appelle pour avoir des cadeaux. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? N'importe. Écoute, on a un rouleau de papier toilette, c'est ça? Non, rouleau de papier. Non, tu dis n'importe. Dis-nous. Doc, alors. J'ai une idée. Oui. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour une console PlayStation 4? T'es où là, Théo? Je suis dans ma chambre. Ils font quoi tes parents? Ils sont en apéro avec des amis. D'accord, alors je te laisse deux propositions. Soit tu prends des casseroles et tu fous le bordel dans le salon, soit tu prends les casseroles mais tu mets un peu d'eau dedans et tu les balances sur tes parents. Et tu fous le bordel aussi. Et tu fous le bordel aussi, qu'est-ce que t'en penses? On va prendre la première option, je suis pas sûr qu'ils acceptent l'eau en plus. T'es sûr? Ils sont en train de dîner là, c'est ça? Ouais, ils sont en train de prendre l'apéro tranquillement. Et pour une PlayStation 4, mets un petit peu d'eau dans la casserole. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, ça veut dire qu'il va pas le faire. Non mais si, alors et Théo, on le fait ou on le fait pas? Ça va être chaud. Et Théo, est-ce que t'as des casseroles? Ouais. Vas-y, va pêcher les casseroles. Commente-nous, parce que là, c'est Fort Boyard le truc, hein. On y est là. Là, je descends là. Ouais. Je descends des escaliers. Ok. C'est bien. T'as croisé Passepartout ? Non, pas encore. D'accord. Est-ce que t'as... Ah, on entend les parents derrière. Donc j'ai les casseroles dans les mains là. D'accord. Est-ce que tu peux mettre un petit peu d'eau dedans ? Ah non, je peux pas mettre l'eau dedans. D'accord. Donc par contre, tu peux foutre un bordel pas possible chez toi. Ouais, sinon, tu peux faire pipi dans les casseroles. Tu peux faire pipi dans les casseroles. Idée du doc. Et mais doc, c'est le pire. C'est le pire dans cette équipe. Attention, Théo qui va foutre le bordel dans sa maison pour faire chier ses parents pour gagner une console PS4. Il y a intérêt que ce soit fort. Hein. On y va, on veut entendre sa gueuler. 3, 2, 1, top! Théo, passe-nous ton père maintenant. On veut ça. Non, là, il est un petit peu énervé, il veut pas. Mais justement, tu nous passes. Vas-y, passe-nous ton père. On va lui demander quelque chose. Ah non, c'est pas trop. Non, mais attends, on va lui demander quelque chose. Passe-le. Doc veut lui parler. Passe-nous ton papa. Attends. Putain, sans déconner. C'est pas long, ça. Ah ben, c'est Théo. Bonjour. Ouais. Allô ? Ah non, mais pas le papa. Attends, non. Passe-moi le papa. Ouais. Passe-nous ton père, Théo. Allô, attends, bonjour. Je le passe. Attends. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô. Bonjour. Vous allez bien ? Vous êtes le papa de Théo ? Ouais, bah oui, merci. Vous croyez qu'il va bien ? Hey, on se demande une question. Vous croyez qu'il va bien, hein ? Ouais. Non, je crois pas. Non, j'ai des doutes. De toute façon, depuis qu'il vous écoute, je crois qu'il part en sucette, le morceau. Théo. Ah oui, non, c'est le papa, c'est vrai. Le papa de Théo. Oui. Il vous a embêté là ? Bah oui, il nous emmerde, je sais pas s'il prend les gamelles, il tape comme un con, la vie. Vous nous écoutez de temps en temps, papa Théo ? Bah nous, pas le soir, mais moi j'écoute de temps en temps, oui, dans la bagnole, je tape le fun radio tous les jours quasiment, mais... Et ça fait plaisir. Écoutez, l'idée des casseroles, ça vient de Carrel, vous pouvez en parler. Oui, de toute façon, ils sont tous abrutis, les animateurs radio, c'est normal. Ah, c'est fantastique, vous êtes magnifique. Repassez-nous votre fils. Ouais, salut. Oui, salut, c'est ça. Salopard. Théo. Ouais. Théo, parce que tu viens de faire ça, on t'offre le carton, l'emballage de la PS4. Bravo. Oh, merci, c'est super sympa. Bravo. Dans c'est une chambre. Arnaque. Ah ouais, bah oui, bah c'est comme son défi, c'était une arnaque son truc, hein. Ça, oui. Coup de casserole là pendant deux secondes. Eh Théo, non, sans déconner, on t'envoie un magnifique carton l'emballage de la console PS4. Et peut-être qu'avec de la chance, il y aura le polystyrène à l'intérieur. Tu reviens quand tu veux, mon Théo. Salut à toi. Est-ce qu'il y aura un petit pack fun avec ? Ouais, bah bien sûr. Bah, oui. Ça, tu vas l'avoir. Salut espèce d'arnaque. Ah bah ça marche. Embrasse ton père, il est dance floor. Bisous. Et Sophie nous rejoint 17 ans d'Orléans. Bonsoir Sophie. Bonsoir tout le monde. Ça va Sophie ? Salut. Ça va. Tu nous appelles pourquoi Sophie ? Parce que mon copain a un petit sexe et ça commence à nous poser problème dans notre relation de couple. D'accord. Ouais, on va mesurer tout ça, on va t'aider. C'est pas parce qu'on a un petit sexe qu'on peut pas donner du plaisir à une femme. On en parlera dans un instant, on écoutera Soprano avec En Feu sur Fun Radio. À tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love In Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. David Guetta. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac+5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous.

N'hésitez pas à nous appeler hein, si vous voulez écouter un son. J'avais vu un petit message de Jennifer d'ailleurs sur le Twitter, la hashtag LoveInFun, qui voulait écouter Sia. On écoutera Sia ce soir dans l'émission avec The Greatest. Des petits messages justement, on les lit à l'antenne, ceux que vous envoyez sur le Snapchat LoveInFun Radio, sur le Twitter hashtag LoveInFun et la fanpage LoveInFun sur Facebook. Un message d'Oriane: est-ce que vous êtes sûr qu'on ne paye pas quand on vous appelle, parce que j'ai peur que mes parents grillent la facture de téléphone? Ouais, ça risque rien. Bah oui, non, c'est un numéro 01 quoi, donc vous pouvez y aller hein. En plus généralement c'est gratuit depuis toutes les box, et puis surtout on vous rappelle quand vous passez sur l'antenne, donc c'est gratos. Et un autre message de Ludo: je suis un peu efféminé, et du coup tout le monde pense que je suis homo, comment faire pour me détacher de cette image? Rien à voir, bah c'est simple hein. Le dire tout simplement, il va dire qu'il aime les filles et pas les garçons, et même s'il aime les garçons, pourquoi pas, peu importe, mais voilà. Oui, ça peut être chance. En fait, l'homosexualité, c'est pas un virage vers la féminité. Au contraire, les homosexuels sont des mecs. Et ce qui les intéresse, c'est des mecs. C'est pas des garçons aux petites manières. Mais bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler hein, si vous êtes vous-même. Je connais moi des gens qui sont comme ça, qui paraissent efféminés. Bah Guillaume par exemple, hétéro. Au standard, Guillaume, voilà, à le voir, il est très très efféminé, toujours un peu maniéré. Et, T'as envie de t'en mettre une. On pourrait penser qu'il est homosexuel. Oui, bah j'assume tout à fait. Mais pas du tout. Hein, mais parfois même, il me met des petites mains aux fesses. Bien voilà. Non mais ça, c'est ce qu'il aimerait. Non, Karel demande, donc moi j'obéis. C'est ça, c'est ce que je dis. Karel demande, je suis d'accord avec ça. J'ai avoir des problèmes avec ma meuf. Hein. Attention. Sophie, sauve-moi. Sophie, attention. Oui, bonsoir. Bonsoir Sophie. Salut. Alors Sophie, avant de parler du petit sexe de ton mec, j'ai une bonne nouvelle pour tous les auditeurs de Fun Radio. Il y a un truc vraiment sympa qu'on va mettre en place là très bientôt, et même à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir devenir ambassadeur Fun Radio pour le prochain spot publicitaire de Fun Radio, celui qui passera à la télé. Si vous voulez participer, si vous voulez voir vos gueules à la télé justement, bah, suffit d'envoyer, de partager votre photo avec un hashtag, une photo un peu fun bien sûr, avec le hashtag ambassadeur Fun Radio sur Twitter, et il y en a parmi vous qui passeront à la télé pour la prochaine campagne publicitaire de Fun Radio. Ça c'est dit, Sophie, en attendant, on s'occupe de toi ma chérie, raconte-nous tout. Ben voilà, ça fait à peu près 9 mois que je suis avec mon copain, et du coup j'ai du mal à prendre du plaisir avec lui quand on fait l'amour. Pourquoi? Puisque il a un tout petit sexe, et du coup j'ai du mal à... Mais tout petit, t'as mesuré? Ouais, elle mesure combien? Bah, à peu près, quand il est en érection, je dirais qu'elle fait pas plus de 10. Pas plus de 10. 10, ouais, d'accord, ouais. Mais tu ne la sens pas dans le rapport sexuel. Je suis désolée de te poser la question, mais tu ne sens rien du tout. Ben, quand il y a des rapports, non, j'ai du mal à ressentir. Parce qu'il y a d'autres moyens d'être excité, il te caresse, des choses comme ça. Ah oui, ça de ce niveau-là, oui, ça se passe très bien. Mais après, au moment où on veut passer à l'acte, ben là, je ne ressens plus rien du tout. Il y a plein de choses que l'on ne peut pas faire. Tu sais que ce qui compte quand même avant tout, c'est la stimulation clitoridienne et le premier tiers du vagin. Avec ses 10 cm, il stimule le premier tiers du vagin. Elle est très fine en diamètre, elle est comment? Ouais. Elle est petite, elle est pas bien grosse. Non mais non. Moi j'entends ce que tu dis quand tu dis il suffit de après, stimuler tête, hein. Les 4-5 cm, mais c'est vrai qu'il y a aussi des filles qui aiment les gros sexes. Enfin c'est vrai. Mes deux ex d'avant, c'est vrai que j'avais pas ce problème-là, et ses trois copines qu'il a élues avant moi l'ont toutes les trois quitté pour ça. Ah c'est vrai. Mais ça doit être horrible pour lui sans déconner. Alice, ça t'est déjà arrivé de... Il est super complexé de ça, c'est pour ça qu'on n'en parle pas tous les deux, puisqu'à chaque fois il est super complexé, parce que alors moi je l'aime, j'y tiens énormément, je suis très amoureuse de lui, mais ça commence à poser problème, c'est pour ça que je vous appelle pour savoir s'il n'y a pas des solutions à mettre en place. Est-ce qu'il t'a déjà donné du plaisir? Bah oui, quand il me fait un kini, oui, à ce niveau-là, il débrouille très bien. À ce niveau-là, la langue, elle n'est pas très grande en même temps. Pourquoi ça n'existe pas le rallonge sexe? Non mais attends, j'essaie de lui expliquer quand même que malgré tout, la stimulation du clitoris avec la langue, et c'est, là, il n'y a pas de sexe. Donc forcément, c'est quand même l'extérieur qui compte. Dans ta tête, pour toi, finalement, j'ai l'impression que ça ne t'excite pas, surtout. Même avant d'avoir le contact. C'est comme si le fait qu'il ait un petit sexe baisse ta libido. Parce que quand tu avec les gros sexes, ça t'excite, non? Ben les deux premiers copains que j'avais eus, c'était dans la normale et ça se passait bien. Et là, j'essaie de pas y penser à chaque fois qu'on le fait. J'essaie de penser à autre chose, de pas justement et j'arrive pas à avoir. Est-ce que tu lui en as parlé? Tu lui as dit, écoute, chérie. Bah, il est très complexé à ce niveau-là, donc j'ai pas envie de lui faire de la peine, j'ai pas envie de le blesser, donc non, je lui en parle pas généralement, mais je pense qu'il doit le voir, mais comme c'est trois copines, Parce que là, c'est comme si t'avais des chatouillis, quoi. Non, mais premièrement, c'est pas la longueur qui compte, parce que 10 cm, c'est largement assez long pour rentrer dans le vagin, du moins le tiers inférieur, qui est la zone la plus sensible. Après, c'est une question de diamètre. Est-ce que t'as l'impression qu'il flotte? Non mais c'est ça, est-ce que tu as le sentiment que ça flotte dans ton vagin? C'est la question du doc. Comme hein. si t'avais avec un pied de 38 une chaussure de 46. Ah, bah, vois un peu la comparaison. Oui, je sens quand il rentre, mais c'est pas. Non, mais, attends, parce que nous on n'a pas de vagin, doc. Alice, je suis désolée oui. Non mais bon, voilà. Est-ce que t'es déjà tombé sur un sexe qui était petit quoi. Enfin, comment t'as réagi? Ça m'est arrivé. Il n'était pas spécialement petit, mais il était particulièrement fin. Ah d'accord. Et en fait, je pense que le fait que son copain soit complexé, c'est ça aussi qui fait que ça la gêne et qu'elle se focalise vachement dessus. Mais je pense qu'il faut pas spécialement y penser parce que plus t'y penses et plus tu te focalises là-dessus et moins t'as de plaisir. Mais c'est vrai que moi, ça me dérange plus justement quand le sexe est trop fin, quoi, justement, parce que il y a cet effet de flottement. Préfère quand c'est bien gros. Bah c'est pas une question quand c'est bien gros, mais tu sens rentrer, mais après bah tu sens que dalle en fait. Ah ouais, merde. Après, exactement. Voilà, c'est comme porter un tampon en fait. D'être pénétré, effectivement, cette sensation n'existe pas, parce que le sentiment d'être pénétré va générer au niveau cérébral une excitation qui va revenir sur les organes sexuels. Et là, visiblement, c'est ce qui se produit, c'est que finalement, bon, lui, le fait qu'il pénètre, comme tu le sens pas, ça t'excite pas. Mais je suis désolé, il y a d'autres moyens de stimuler les organes génitaux, et notamment les zones clitoridiennes. Il caresse en même temps, il peut te caresser en même temps qu'il te pénètre. Il y a plein de choses à faire, t'as raison, Doc. J'ai pas demandé à Cindy, en plus on connaît bien son mec, je l'ai vu en legging là tout à l'heure. Mm-hmm. Bon, on sent bien que voilà, c'est pas énorme. Ah, mais ça c'est parce que tu l'as jamais vu en érection alors. Ah, voilà, on apprend des choses ce soir. Non, mais est-ce que. C'est pas lui. Karel prêche le faux pour savoir le vrai. Donc ça veut dire que ton copain. Ça veut dire que ton copain a une grosse, c'est ça? Ah oui, c'est ça, ouais. Elle dit pas oui. Non, t'es content, Karel? Cindy, tu fais pas le poids à côté de lui. Bon, ça c'est pas sûr. Cindy, ça t'est déjà arrivé d'avoir une relation sexuelle avec un mec qui avait un petit sexe quoi? Non, mais trop gros, oui. Ah trop? Ah ouais. Oui. Ouais, et finalement c'est pas mieux. Je vais juste te dire, si tu veux, Sophie, quoi. Les tailles de sexe les plus appréciées chez les filles, c'est 12 à 14 cm en érection. Toi, t'en es pas loin, donc je ne suis pas sûr. Diamètre, je veux bien le mettre. Tu peux me donner le diamètre de sa verge ou tu l'as pas mesuré? Il est pas là, à côté, là? Ah non, il est pas là, non. Mais attends, deux doigts, trois doigts, un doigt? Oui, deux doigts. C'est pas très gros, ouais. Voilà. Bon. Après, voilà, il faut ruser et utiliser d'autres moyens. Bah oui. D'accord? Pour stimuler le clitoris. Sophie, en même temps qu'il te pénètre. D'accord? On choisit pas sa couleur de peau, on choisit pas sa famille, on choisit pas sa teub. C'est sûr, c'est pour ça, moi, je la mets dans le monde. C'est pour ça que je voulais en parler pour essayer de trouver des solutions, justement. Il y a des solutions, c'est juste en final. Il y a des médecins qui font des injections de graisse autour du pénis pour augmenter le diamètre. Ça dure un temps, mais ça peut au moins momentanément améliorer un peu le diamètre, non pas la longueur. Il y a des solutions, tu vois, Sophie. Il va falloir avoir passé outre, je pense. Hein. C'est important si tu veux continuer de prendre du plaisir avec lui. Ouais. Ok, Sophie? Ok, salut. Merci beaucoup. Bon, écoute, on l'embrasse également. Hein. J'espère qu'il n'écoutait pas. Hein, parce que sinon c'est terminé. Hein, je te le dis direct. Hein. Sophie, merci de ta confiance en tout cas. Merci beaucoup à toute l'équipe. Bonne soirée. Salut ma chérie, vous pouvez réagir à tous les sujets de l'émission. On continuera de lire vos messages à l'antenne. 01 42 48 5000. On a Anaïs, 21 ans de Bordeaux. Ça sent le sexy chocolat. Bonsoir Anaïs. Salut Anaïs, tu nous appelles pourquoi alors? Bah moi j'ai des bouts sur mon copain, donc du coup je voulais vous en faire part, etc. Puis en quelque sorte c'est testé du coup parce que je trouve pas ça normal. Enfin... Ok, tu bouges pas Anaïs, dans un instant sexy chocolat, on va appeler ton mec, on va lui proposer de lui offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix. J'espère qu'il te choisira. On le fait après Richard Orlinski sur Fun Radio. Where is all this going? I don't wanna hold back, I don't wanna let you in. Rushing on a feeling. Chasing fireflies, I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be a light. Where there's a heart. Richard Walensky, Eva Simon sur Fun Radio. A-t-il vraiment des sentiments pour vous? Sexy chocolat. Sexy chocolat. Lovin Fun s'occupe de votre couple sur Fun Radio. On s'en lèche les babines. Sexy chocolat. On va ouvrir la boutique Sexy chocolat puisque c'est Anaïs qui a besoin de nous. Elle a 21 ans de Bordeaux. Bonsoir Anaïs. Salut. Salut. Salut Anaïs. Salut Anaïs. Raconte-nous pourquoi t'as besoin de la boutique Sexy chocolat ce soir. Eh ben en fait, ça fait presque un an que je suis avec mon copain, tu vois. On se met ensemble, tout ça, on habite ensemble. Oui. Et du coup, depuis plusieurs jours, ça fait déjà 2 mois qu'il ne touche plus. Donc déjà, j'ai commencé à me poser des questions. Tu vois. Ah ouais, carrément. C'est quelque chose qui se faisait très régulièrement. Je m'approche de lui, Il n'y a pas d'attention, ça a changé. Pas la rétroaction qu'il devrait y avoir. Ouais. Après, je veux fouiller dans son téléphone. Enfin, de base, on regarde dans nos téléphones mutuellement l'un d'autre. Enfin, et là, tu peux plus. C'est un petit truc entre nous. Et là, non, il a changé son code, il ne veut pas me le donner. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Des fois, il reçoit des messages. Il s'éclipse. Et puis il me dit non mais t'occupes, c'est un pote, machin, il veut qu'on fasse ça et tout. Il y a une fille à laquelle tu penses. Ouais. Ben non, justement, il a pas beaucoup d'amitié, donc même les gars. Et sexuellement, ça se passe comment? Elle ne touche plus. Ça fait 2 mois qu'il m'a pas touché. D'accord, j'ai bien compris, mais toi tu fais quoi pour. De solliciter. Je vais vers lui, je lui fais des bisous, des caresses, tout ça. Il s'en fout. Je fais du rentre-dedans, quoi, clairement. Mais il n'est pas. Alors, l'excuse du « j'ai passé une sale journée, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, ça va 5 minutes, tu vois. Ouais. » Mais au bout de 2 mois, Il est absent certaines nuits? Non. Il a un emploi du temps un peu élargi? Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Bon, Anaïs, j'ai l'impression qu'on n'a même pas besoin de l'appeler, le gars. Non, mais c'est. C'est vrai que ça sent vraiment pas bon. Pas dans le sens où c'est toujours comme ça, quoi. Depuis le début, même avant. Au début, sexuellement, c'était top. Au début, c'est toujours top. Je me suis toujours éclatée avec, toujours. Ça s'est émoussé. Anaïs, on va lui passer un petit coup de téléphone, je t'explique. On va se faire passer pour la chocolaterie Sexy Chocolat. On va lui proposer d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix. Des chocolats érotiques, on les offre à sa petite copine. On les offre à personne d'autre, surtout pas à sa mère, hein, bien sûr. En général. Normalement, on devrait savoir. On l'a déjà fait plein de fois et on a été surpris par ce qui a pu se passer. On va voir. On va bien voir. Anaïs, c'est parti. Ça se trouve, tu te fais des films. Hein. C'est juste une mauvaise période. C'est parti. Ouais, on appelle Maxime. On va lui proposer. On appelle Denis Chon. Allô? Oui, bonsoir. Je parlais à Maxime, s'il vous plaît. Oui. Je suis content de vous avoir au téléphone. C'est vous, Maxime? Oui, pourquoi vous m'appelez en masqué? C'est qui? Alors, je vous explique. Nous sommes la chocolaterie Sexy Chocolat. On vient d'ouvrir une boutique à Bordeaux, là, cette semaine. On se permet de vous appeler, je sais qu'il est un petit peu tard, mais là, nous, on est une boutique qui ferme à 22h. C'est plutôt pour une bonne nouvelle, en fait. Je me permets de vous appeler ce soir parce que j'aimerais vous offrir des chocolats gratuitement. C'est une petite publicité qu'on se fait comme ça pour justement peut-être que à l'avenir vous pourriez passer dans la boutique. Alors c'est quand même des coffrets chocolats d'une valeur d'une cinquantaine d'euros qu'on va envoyer à la personne de votre choix. Ce sont des chocolats érotiques. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que vous voudriez faire plaisir à l'élu de votre cœur? Non mais déjà vous appelez, il est 20h30, c'est pas une heure pour démarcher des clients, je suis désolé. Il n'y a pas de client à client, c'est des amis dans notre boutique. Voilà. Oui mais à cette heure-là... On considère que nos amis, on peut les appeler à toute heure. C'est vrai, je suis sincèrement désolé parce que je sais qu'il est un petit peu tard et que... Mais voilà, c'était partant d'une bonne intention... Et je vous cache pas que vis-à-vis de mon patron, ça m'arrangerait que vous me preniez les chocolats que vous me donniez un prénom parce que là, sinon je vais me faire engueuler, moi je vais me faire virer. Non, mais ça c'est pas mon problème quelque part. C'est si vous faites mal votre boulot, c'est autre chose. En plus, je connais même pas votre chocolaterie. Je travaille à Bordeaux, je suis dans l'immobilier, donc je sais à peu près tout ce qui se passe. On a ouvert cette semaine. Mais j'aurais été au courant. Vous êtes où à Bordeaux? On est rue de la Paix à Bordeaux. D'accord, j'ai dû louper un truc. On vient juste d'ouvrir. Alors, de toute façon, moi, je suis pas là pour vous embêter, hein, vous enquiquiner. Hein, c'est pas du tout l'esprit de la maison. Si ça vous intéresse pas, écoutez, moi, je vais appeler quelqu'un d'autre. C'était juste pour, voilà, vous faire une proposition. Et c'est gratuit. Et franchement, ça va faire plaisir à la personne parce que on fait vraiment de beaux coffrets chocolat. Hein. C'est Alice, notre préparatrice, qui s'occupe de faire ça. Et ils sont bons, au moins, vos chocolats? Ah, ils sont excellents. Et franchement, vous m'enlèveriez une épine du pied si vous me dites oui. Ils sont excellents, ouais. il y a des huiles de massage voilà pour masser votre partenaire, ces saveurs chocolatées, il y a des petits chocolats, des petites crottes de chocolat en forme de sexe, enfin voilà, c'est très érotique, c'est un concept, on est jeune, on a envie de se lancer. Dites-moi oui. D'accord, vous me faites de la peine, je vais vous dire oui, vous me faites de la peine, franchement. Bah c'est gentil, c'est gentil. C'est gentil parce que c'est vrai que je vous cache pas que j'ai quand même eu pas mal de refus maintenant vu qu'on se fait tout le temps embêter au téléphone. Par des arnaques, etc. Nous, c'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment sérieux, quoi. Est-ce que... Alors, moi, en fait, c'est très simple. Il me faut un prénom et un petit message et je m'occuperai d'envoyer le coffret. D'accord. Je vais l'envoyer à Vincent. À Vincent? Ouais, Vincent. D'accord, c'est donc votre petite amie. Hein. Voilà. D'accord, très bien. Donc, le message pour Vincent, s'il vous plaît. Je pense fort à lui, j'ai hâte de le retrouver, je lui fais plein de bisous et je l'aime. D'accord, je mets les cœurs qui l'accompagnent, bien sûr. Je suis pas trop cœur, mais si vous voulez. Ouais. D'accord, je peux mettre aussi des choses un petit peu plus hard, hein, si vous préférez. Non, je suis soft dans ma personnalité. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc je note le message, je vais vous passer tout de suite ma collaboratrice, d'accord? Ça marche, merci beaucoup. Vous ne quittez pas, mais c'est moi qui vous remercie. Merci de faire confiance à la chocolaterie Sexy Chocolat. Je vous la passe. Elle s'appelle Anaïs. Pardon ? Allô ? Ouais, c'est quoi cette connerie encore ? Bah, c'est toi, explique-moi là. De quoi, explique-moi ? Bah, tu te fous de ma gueule, ça attend, enfin, ça fait un an qu'on est ensemble, là, bah, ouais, j'apprends que t'es gay, quoi. Je suis pas gay, Vincent, c'est un pote, c'est juste une connerie, là, ton truc. Explique, faut que tu lui expliques maintenant, Anaïs, hein, où il est, là. Bah, t'es sur Fun Radio, hein, voilà. Ok. Bah, ouais. Bonsoir. Bah, ouais, enfin, attends, ça fait 2 mois que tu me touches plus rien, enfin, je me pose des questions, enfin, je me suis dit, il y a une fille derrière. Il y a peut-être quelque chose à dire, non? T'as pas quelque chose à lui dire? Je suis sûr que t'as quelque chose à lui dire que tu n'arrives pas à lui dire. Bah écoute, Vincent, c'est un pote, après, comme tu le sais, j'ai des journées chargées en ce moment. Non, mais attends, arrête. C'était clairement sexuel ce que t'as dit, allô. Oh, l'histoire de dingue. Non mais bon, attends, je comprends que ce soit dur pour toi, que t'aies pas envie que ça se sache, que voilà, t'es pas obligé, mais bon, on a bien compris que c'était pour toi une histoire d'amour sexuel. Je me trompe? Non, Doc, c'est ça, oui. Je reconnais un peu la voix. Oui, c'est ça, oui. Non mais attends, je comprends, pour toi ça doit être... une étape difficile à franchir. Je comprends très bien, moi je te force pas, mais bon, d'une certaine façon, tu as dit cela. Voilà, bon, puisque je suis là, du coup, je vais en profiter. Hein, j'ai pas le choix. Si, t'as le choix, mais bon, c'est peut-être bien pour toi et pour elle, qu'elle sache, parce que bon, tu choisis pas comment tu es. Ouais. Il faut qu'elle le comprenne, t'as eu du mal à le dire, personne ne peut t'en vouloir. Explique-lui, là maintenant, c'est peut-être le moment. Bah, ça fait quelques mois que j'ai rencontré Vincent. Mmh. Et au début, c'est le pote à Mathieu. Tu vois Mathieu? Bah oui. Puis bah, j'ai accroché avec lui. J'ai testé un rapport homosexuel. Mmh. Ça m'a plu. Puis du coup, bah, on s'est revus plusieurs fois. À mes pauses déjeuner, etc. Mmh. Et puis bah, maintenant, avant c'était juste l'expérience et puis l'envie, puis maintenant j'ai des sentiments pour lui. Mmh. Donc j'imagine que le week-end, l'autre jour chez Mathieu, t'étais pas chez Mathieu. Non, j'étais chez Vincent. Mmh. Et tu comptais me le dire un jour ou traîner le truc parce que, enfin... Je sais pas, ça fait presque 6 mois qu'on habite ensemble et tout, enfin voilà quoi, là. Bah oui, j'allais te le dire, mais je savais pas comment. Bah c'est fait. Ouais. En même temps, Anaïs, tu peux bien comprendre que c'est pas, il n'a pas triché. Il est d'abord extrêmement embarrassé pour révéler son homosexualité, qui est une étape difficile pour lui. Parce que, bon, voilà, il s'est révélé, il est homosexuel, bon, voilà, très bien. Et c'est pas quelque chose qu'il a choisi, c'est quelque chose qui l'habite, et qui probablement déjà le préoccupait d'une certaine façon, puisqu'il est allé vers cette relation. Donc maintenant, il faudra peut-être que, voilà, vous vous rencontriez, que tu comprennes, Anaïs, que là, effectivement, il t'a pas trompé d'une certaine façon. C'est sa sexualité qui est différente. Ouais. C'est pas exactement la même chose. Ouais, mais quand même, Non, il t'a pas trompé parce qu'il y a plus d'attirance pour les femmes. Il préfère les garçons et il se trouve que tu es une femme. Bah oui, faut dire la je suis pas d'accord avec Doc. Il l'a quand même trompé. Enfin, je veux dire, c'est rapports avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'il a été surpris par cette homosexualité qui s'est révélée à lui. Il a été un peu submergé par cela. Je sais pas si je me trompe, tu me le dis, hein, Maxime. Et que c'était très compliqué de le révéler. Donc, il a vécu comme ça en demi-teinte. Ne sachant pas quoi faire. Bon, il se trouve que maintenant, par le biais de cette. de cet appel, tu as été dans la situation de révéler. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'indulgence pour toi parce que je ne dirais pas que c'est exactement la même chose qu'une tromperie classique, quoi. C'est pas pareil, c'est pas la même situation. Anaïs, j'aimerais que tu comprennes que j'avais du mal à te le dire. Je voulais le bon moment, mais là, je suis désolé de faire ça devant la France entière. Tu vas aider plein de gens parce que tu sais, il y a beaucoup d'homosexuels qui sont dans ta situation. Qui le vivent, qui sont un peu submergés par ça, qui même peut-être, je ne dis pas que c'est, qui se culpabilisent, qui ont peur de le dire. Donc, je crois que c'est bien, tu vois. Anaïs, tu comprends quand même. Bah, c'est pas tellement chaud, j'ai envie de te dire, clairement. Non, mais oui, ça t'a pas choqué. Après, elle est déçue, hein, c'est normal. Hein. Non, mais que tu sois déçu, c'est une chose, mais c'est pas lié à toi, tu vois. C'est quelque chose qui est en lui profondément. J'ai jamais voulu te faire de mal, Anaïs. J'espère que tu le comprends. Ouais, enfin, là, c'est fait, quand même. Bien sûr, est-ce que tu t'en doutes? Est-ce que tu avais pensé à ça ou tu pensais que c'était une autre fille? Non, moi, j'avais pensé à une autre fille. Après, il n'a pas tellement d'amis filles. Même quand on va en soirée ensemble ou à des anniversaires de copains, de copines, enfin, voilà, même moi, mes copines qui ont pu lui faire du rentre dedans, non, il les a pas plus que ça. Puis il met des potes gays. Ben oui. Non, j'ai des potes gays, ils ont essayé de l'allumer, ma femme, tu vois. Mais bon, voilà, mais... Et là, c'était le premier à dire jamais, je serais gay, Anaïs. Tu comprends, Anaïs, tout ça et tout, et là... Ouais. On comprend ta déception et en même temps on comprend aussi voilà la situation de Maxime qui était pas évidente et il savait pas comment te le dire. Et quelque part ce soir vous êtes ça y est tous les deux au courant, je crois qu'il va falloir discuter et faire les choses bien quoi, tu vois, d'un côté comme de l'autre. Je pense que c'est important. T'es d'accord Maxime? Moi oui, je suis d'accord, faut mettre les points sur les i quoi. Je pense qu'il va falloir peut-être falloir un petit peu de temps. On va prendre des nouvelles. Dimanche, on t'appellera si tu veux bien, Anaïs, pour savoir un petit peu comment ça se passe avec Maxime. Merci beaucoup en tout cas, Maxime. Merci à tous les deux. Et merci à vous. Et à bientôt, Anaïs. À bientôt. Salut à tous les deux. Salut. Le truc de ouf, sans déconner, une histoire de dingue là. Léo, 16 ans de hier. Salut Léo. Salut Léo, salut. Bienvenue sur Fun Radio 01 42 48 5000. Faites comme Léo, passez sur l'antenne là. Tu veux parler de quoi toi Léo? En fait moi je viens de faire ma première fois et ça s'est hyper mal passé. D'accord, tu vas tout nous raconter dans un instant. Et Vincent, notre auditeur du soir qui fait de la radio là avec nous ce soir, Vincent? Ouais, je suis toujours là. Salut. Tu vas annoncer dans un instant The Chainsmokers avec Closer, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Dans un instant il y aura quoi? Il y aura The Chainsmokers. Avec? Avec Closer. Sur Fun Radio. Le son Dance Floor. A tout de suite sur Fun. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixé à la suite. Les trumpets blow. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs. C'est le double fun sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel.

Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. C'est votre émission hein, tous les soirs sur Fun Radio. 01 42 48 5000. C'est le numéro de téléphone pour débarquer à l'antenne. On vous rappelle, hein, c'est gratuit. Hein. N'hésitez pas. Et on va tout de suite accueillir William. Il a 16 ans. Il nous appelle d'Albi. Salut William. Salut. Salut William. Oui. Salut Doc, Karel et Alice. Salut William. Bienvenue dans Love in Fun, William. T'es un petit peu tendu, un petit peu stressé là? Même très. Ouais, bah détends-toi. On est en famille, ouais, tranquille. On est autour d'un verre à table. Bien sûr. Alors tu veux quoi? Je te sers quoi, William? Un petit cocktail. Un petit cocktail. Allez, un petit cocktail. On te prépare ça. Et William, tu nous appelles pourquoi? Je vous appelle parce que là j'ai un souci, c'est que j'arrive pas à trouver la de un petit coucou au pain parce que j'ai pas de problème. Qu'est-ce que tu as comme problème? Ben je me trouve trop moche. Là je bégaye. Je bégaye vraiment très, très fort des fois. Donc c'est vraiment horrible. D'accord. Ça dépend des moments d'émotion, c'est ça? Oui, voilà. Comme là, je suis stressé. Je bégaye un peu. Donc. T'as déjà eu des petits copains? J'ai failli, mais non. Qu'est-ce que tu cherches? T'as 16 ans, t'es encore jeune. Ah ouais. En même temps, il faut pas que tu te précipites. Tu cherches quoi? Une histoire d'amour, un petit copain, juste pour un petit copain? Tu veux quoi? En fait, une histoire d'amour, c'est très bien parce que à chaque fois, là, je me fais rejeter. Et moi, j'ai peur de finir seul toute ma vie. Voilà. Oh. Bon, écoute, William, il y a deux choses. Premièrement, tu as 16 ans, donc à ton âge, on n'est pas assez sûr de soi, on n'accepte pas son physique, jusque-là, tout est classique. Le bégaiement, tu ne bégayes pas tout le temps, je vois qu'à certains moments, quand même, tu t'en sors pas si mal que ça. Donc ça aussi, il y a des prises en charge possibles, le bégaiement, ça se soigne. Je crois que pour apprendre un peu à prendre confiance en toi, tu devrais faire des activités qui n'ont rien à voir avec la drague. C'est-à-dire, je ne sais pas, fais du théâtre, fais des choses comme ça, du sport, pourquoi pas, je ne sais quoi d'autre, de la musique, tout ce que tu veux, mais quelque chose où tu puisses t'exprimer et finalement prendre confiance en toi. T'as des passions, toi, William, dans la vie? Je n'ai fait jamais de sport en dehors, mais j'aime bien le basket. Le basket, bah jouer au basket, ça c'est bien, c'est une bonne idée de jouer au basket. Tu vois, ce que je te dis là, bon, on va pas le faire à ta place, mais je pense qu'avant de penser que tu es avec un garçon, que tu as une histoire d'amour, il faut que tu consolides ta personnalité. Or, les activités qui sont en dehors de l'école et les apprentissages sont absolument essentielles pour prendre confiance en soi. Tu vas être avec des gens qui vont te faire participer, tu vas participer, enfin bref, tu vas exister, tu vas pouvoir t'exprimer. Tout ça, c'est extrêmement important. Tu comprends? Oui. Et est-ce que tu as essayé des sites de rencontres comme Grindr, des choses comme ça, des applications? Ben, en parlant de ça, hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai essayé. Ouais. Mais je n'ai pas trouvé. Et à chaque fois, là, ça disait là, qu'il fallait avoir 17 ans. D'accord, mais tu vas. Bon, il faut mentir, il faut dire que tu as plus de 18 ans et puis c'est bon. Ouais, tu peux mentir, mais en même temps, dans ces sites, tu vas tomber sur des messieurs. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as peut-être raison en fait, donc c'est peut-être pas un bon conseil. On des peut tomber sur des. Oh non, sur Grindr, les gens ils sont vachement jeunes quand ouais, même. Ouais, ça va. Bah oui. Ils ont c'est juste bon. Des gros stubs. Puis, de toute façon, tu vois les photos, bon, bah, après, si c'est les bonnes photos en tout cas. T'as jamais eu de relation homosexuelle? Fille de la bouche, oui, mais. C'est quoi de la bouche? J'ai du cul, non. Ah d'accord, donc t'as fait des fellations. Oui voilà, pas oui, du voilà. Cul par contre. mais c'est toi ça. Qui as fait des fellations quoi? Des copains, des mecs plus âgés, à qui? C'était une fois dans une piscine, on était dans les toilettes ou dans les vestiaires, je sais plus, et c'était un pote à moi. Un pote okay. À moi, je vais sucer la tobe, bah voilà, et hop là. Donc, il là, était content hey, excuse-moi, mais t'es pas timide là? Ah bah non, t'as pas été timide hein. Timine, mais lui, je le connais depuis longtemps. D'accord, ok. Non mais William, c'est ça, t'as 16 ans, franchement, moi, enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu bégais, moi, à 16 ans, j'ai toujours pas sorti avec une fille, enfin, tu vois, tout va bien, quoi. Voilà, mais 16 ans, il arrive qu'on n'ait pas vraiment confiance en soi, et voilà pourquoi tu es dans cette situation, mais ça va venir, fais ce que je t'ai dit. D'accord, William. D'accord. Salut mon William. Salut William. Et salut. Tu reviens quand tu veux ici, tu seras toujours le bienvenu. Salut à toi, William. Salut, et une question. Ouais, vas-y. Est-ce que je pourrais avoir un pack Love in Fun? Eh hey William, tu raccroches pas, on t'envoie ça. D'accord, merci. Salut mon pote. Salut. 01 42 48 5000 et c'est Léo là qu'on va accueillir. Léo, 16 ans de hier. Salut mon pote Léo. Salut. Salut à toi. Alors Léo, raconte-nous pourquoi tu viens ce soir dans l'émission. Alors moi, je viens parce que ça s'est mal passé ma première fois avec ma copine. Vas-y, raconte, qu'est-ce qui s'est mal passé? Bah, genre, on a commencé tranquille, les caresses, ça, normal. Ouais. Et on commence un peu, à se rapprocher, on commence à se déshabiller, tout ça. Ouais. Et je commence la pénétration après tout le petit système. Ouais, le petit système de préliminaire, c'est ça? Voilà. Okay. Et là, la 14-18, elle commence à me saigner dessus, mais c'était affreux. 14-18, attends, c'était la guerre. Attends, on va voir. C'était son premier rapport sexuel? Moi, c'est mon premier, mais pas elle. Ah, pas elle. Elle avait ses règles? Non plus. Bah, attends, ah bon? Ça vient d'où le sang? Ah oui. À l'intérieur, je sais pas. Non, mais attends, elle saigne, elle saigne bien de quelque part. Ah oui. Soit elle a une plaie, mais bon, a priori, l'hymen saigne peu et si elle a déjà eu des rapports sexuels, visiblement, c'est pas ça. Donc il faut que ça vienne de quelque part. Elle pouvait avoir ses règles sans s'en rendre compte. Elle m'a dit qu'elle avait pas ses règles, c'était la semaine d'après et là. Il faut en parler, Léo. Bon, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de sang? Ah ouais, c'était la mer rouge, quoi. La mer rouge. La mer rouge. Et c'était que du sang comme quand tu t'es coupé. Ah ouais, non, mais là, c'était genre tu t'es coupé la jugulaire ou je sais pas quoi. Non, mais attends. Léo, t'exagères un peu parce que si tu continues, je vais avoir du mal à croire. Non, mais attends, Léo. Non, mais on va appeler ça. Si elle a saigné comme ça, c'est qu'il y avait une plaie, ça fait mal, ça se voit. Enfin bon, bref, il y a forcément une explication. Je suis pas allé fort et tout. Et toi, t'as pas saigné au niveau de ton frein? T'as regardé? C'est peut-être toi, en fait, le souci, non? Non, c'était pas moi. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que tu t'es arrêté, vous avez dit quoi? Putain, il y a du sang. Elle savait pas ce que c'était. Je m'ai arrêté, on a continué. Moi, j'ai pas fini le rapport jusqu'au bout. Ouais. D'accord, oui. Parce que je la voyais, elle était pas bien, elle était un peu paniquée. Mmh. Ah, mais moi, je faisais genre un peu le bonhomme, c'est rien et tout. Mmh. Ah, mais juste après, j'étais pas bien du tout, j'avais envie de vomir, je me sentais vraiment pas bien. Ouais, d'accord. Et le truc chiant, en fait, c'est qu'elle veut recommencer et du coup, moi, c'est pas très chaud. Non, mais ça va pas se passer. Non, il faut déjà comprendre, excuse-moi de le dire, Léo, comprendre ce qui s'est passé. Et je répète ce que je viens de dire. Soit il y a une plaie qui saigne, ça peut arriver dans le rapport, mais ça me paraît extrêmement douteux parce que tu dis que la pénétration a été très douce. Soit elle a ses règles, ou en tout cas, elle ne pensait pas avoir ses règles, ou elle a ressaigné à nouveau, mais dans le cadre de saignement qui venait de l'utérus. Tu comprends ou pas? Mm-hmm. Léo. Ça ne sort pas du chapeau comme ça, le sang. Léo, le mieux, ce sera encore de lui demander. Il n'y a pas moyen de l'appeler directement, comme ça on lui dit, elle est en direct sur Fun, et puis on se dit les choses, quoi. Non, je préfère lui dire en face, mais le truc, c'est qu'on en a parlé ensemble, et elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, donc c'est ça, je comprends pas. Bon, trop. Oui, mais elle ne sait pas elle-même, et si moi je ne lui parle pas, je ne vais pas pouvoir t'expliquer. D'accord, ouais. Léo? Alors, que tu aies ce sentiment de dégoût, parce que c'est comme si elle avait eu ses règles, je peux tout à fait le comprendre. Moi, je te réponds, Léo, que si tu es vraiment amoureux d'elle, ce n'est pas ça qui peut te freiner. Si elle a saigné avec une petite plaie, si elle saigne du doigt, tu ne vas pas pour autant ne plus avoir envie d'avoir une relation sexuelle avec elle. Ce qu'il faut lui conseiller, c'est d'aller voir un gynéco, clairement. Peut-être que moi, j'aimerais lui... Pourquoi tu ne veux pas lui parler? Je n'ai pas pigé, là, Léo. J'aime pas trop, je préfère lui dire en face, parce que ça je trouve ça un peu... Non, lâche, mais attends, c'est moi qui dois lui poser la question, c'est pas justement, toi. En plus. Bah, je suis médecin, non? Hein. Mais enfin, quoi? Mais attends, tu poses une question... Et on ne peut pas te répondre, parce que ça se trouve, l'explication est simple, et finalement, ça te permettra d'être moins dégoûté, puisque c'est ça dont il s'agit. Moi, je vais te dire, t'es pas très amoureux d'elle, on est d'accord? Mm-hmm. Voilà. Donc, tout le problème, il est déjà là. Ok? Si t'étais très amoureux d'elle, t'aurais été inquiet, tu te serais renseigné, tu aurais demandé, et là, tu t'en fous. Ce que tu voulais, c'était avoir une relation sexuelle. On est d'accord? Non, on est d'accord. Donc t'as plus envie, ben écoute, tu lui dis qu'elle ne t'intéresse pas, que t'es pas amoureux d'elle et que t'as pas envie de relation sexuelle avec elle. Ça, c'est beaucoup plus honnête. Plutôt que d'aller ressasser le coup du sang. D'accord, Léo? D'accord, ça marche. Bon courage. Ah voilà, ouais. Est-ce que je peux passer une petite dédicace avant? Vas-y, poteau. Que tout le monde sache qu'elle a saigné pendant le rapport. Hein. Il est mort de rire, en plus, s'en fout. Eh ben alors, tu la passes pas, parce que nous, on respecte les femmes dans cette émission. Ben bam ouais, là attends, allez, attends, pas de dédicace. Pas la peine. Oh. Ouais, non, sans déconner, après être dans le bain ou bahut, ça va être... Ouais, c'est pas cool pour sa copine, en fait. Ouais. Mais on t'aime quand même, Léo. Hein. Voilà. Ouais, mais il n'y aura pas de dédicace. Et Vincent, notre auditeur du soir, t'es là, Vincent? Ouais, je suis là. On a bien fait, Vincent, de le faire. Hein. Ouais, ben moi, je ne l'ai pas encore fait, mais moi, j'aurais bien voulu savoir, Karel, comment ça a été ta première fois? Ma première fois. Il l'a raconté 100 fois. Ah oui, non, c'était un fiasco, mais c'est pas grave. Ah putain, mais quel connard. Non, mais attends, il me pose une question, je réponds. C'est la vérité, sans déconner. Tu me dis toujours, moi je le sais par cœur, que c'était un fiasco total. Ma première fois, c'était un moment juste magique. Parce que, ouais, j'étais dégoûté parce que j'étais l'un des derniers potes de la bande à le faire, en fait, tu vois. Donc je me disais, putain, j'y arriverai jamais. Et je me souviens que ma première fois, c'était juste génial parce que c'était avec une nana que j'aimais, j'avais attendu, et au final, elle était montée sur moi. Enfin voilà, un délire et tout. Et je me souviens d'ailleurs qu'à la fin, genre à la fin de la journée, j'avais fait un enregistrement parce qu'à l'époque je voulais déjà être animateur radio et j'avais enregistré en fait comment ça s'était passé et tout machin. Je me souviens que je gueulais et tout, j'étais trop content. Il faut absolument que je retrouve cet enregistrement. Hein. Ah mais non mais ça y est, je l'ai fait. Ah ouais, c'est exactement ça. Putain, ça y est, je suis un homme. Ça y est, putain. Ah ouais. Mais Vincent, tu l'as fait toi? Non, tu l'as pas fait. Non, moi je l'ai pas encore fait. Là, tu verras, c'est un moment magique. Puceau. Bon, je préfère attendre 16-17 ans encore. Bah oui, non, mais. T'as raison, ne précipite pas. Bah. Attends surtout de le faire avec quelqu'un et qui t'a des sentiments, parce que moi j'ai plein de quelqu'un potes. Quelqu'un de bien. Mais ouais, moi j'ai plein de potes qui l'ont fait comme ça pour le faire et ils regrettent après, tu vois. Ouais, c'est normal. Moi je préfère le faire avec la bonne personne. Bah c'est bien ça. On sera avec Laura dans un instant. Laura, 23 ans. 23 ans d'Evry pour le défi Fallait pas demander. Elle va poser une question. Une question qui est censée énerver son frère Mickaël. La question est la suivante. Écoutez bien. Est-ce qu'une PS4, ça se répare facilement? Hein? Sous-entendu, j'ai cassé ta console. Restez avec nous. Voici The Chainsmokers Closer sur Fun Radio. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson, okay. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no cars. Now I'm looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole. The Chainsmokers, Closer sur Fun Radio. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Le défi fallait pas demander tous les soirs dans Love in Fun sur Fun Radio. Attention, ce soir, on a Laura qui est là. Laura, elle a 23 ans, elle nous appelle d'Evry. Bonsoir ma Laura. Bonsoir Karel, bonsoir Alice, bonsoir le doc. Bonsoir. Salut. Laura, défi fallait pas demander. Ça veut dire poser une question qui va vénère la personne que tu vas appeler. Je compte sur toi ma Laura pour repartir avec tes enceintes Philips. Il va falloir que tu appelles quelqu'un. Alors tu choisis qui toi? Alors je choisis mon petit frère Mika. Il a quel âge ton petit frère? Il a 21 ans. Qu'est-ce que tu vas lui poser comme question? Je vais lui demander si une PS4, ça se répare facilement. Ok. Oula, oula, oula, oula. Donc toi, tu attaques dans la console cassée, c'est ça? Tout à fait. D'accord, ok, c'est parti. Je pense que ça peut le vénère parce qu'une PS4, c'est pas possible de la casser, quoi. Ouais. C'est quand même un objet trop important dans une vie. On y va, Laura. Non, mais c'est vrai, bien sûr. Oui, j'imagine. Ah bah, c'est des moments d'allégresse, des moments de joie. Allô. Allô. Mika, allô. C'est Laura. Ouais. J'avais une petite question à te poser. Ouais. Est-ce qu'une PS4, ça se répare facilement ou pas? Bah non. Pourquoi? Non. Bon, parce que je l'ai un peu cassée en fait. Quoi? J'ai joué avec un pote quand t'étais pas là et en fait il avait pris l'OM et. Alors, j'ai pris l'OM, il a perdu et du coup il a un peu cassé de la PS4. Mais déjà d'où tu joues avec, à ma play, genre avec ton pote déjà. Ouais bah je n'ai jamais joué. Et comment ça les casser? Bah je l'ai jeté par la fenêtre en fait. Hein? Mon quelle pote fenêtre? Il l'a jeté. Ouais, c'est pas moi, c'est mon pote en fait. Mais il y est pour rien. Vous en êtes fait. Des grands les débiles. Nerfs et tout. Tu t'imagines le prix d'une PS4 ou pas? Bah ouais. Il dit quoi ton frère alors? Je te le passe, attends, je te le passe. Allô? Allô? Ouais, salut. T'es qui toi? Ouais, franchement, sérieux, je suis désolé quoi, j'ai les nerfs quoi, tu vois. Mais gros, t'es sérieux ou quoi? Mais les nerfs quoi, tu sais ce que c'est quand on est un gamer, on est gamer quoi. Je m'en bats les couilles gros, jamais j'ai brisé la PS4 de quelqu'un. Mais j'ai joué avec Laura et puis Laura elle m'a mis la misère quoi, donc moi j'ai pas accepté, c'est une fille quoi, je peux pas perdre contre une fille. Et alors, tu te dis pas que c'est la PS4 de quelqu'un d'autre, sale fils de pute va? Eh oh, vas-y, commence pas à m'insulter, c'est bon, c'est qu'une console, en plus ça va quoi, tu vois. Mais franchement, tu crois trop que je vais rigoler avec toi? Non, bah non, mais... Non, mais t'inquiète pas, comme j'ai dit à Laura, je suis là dans un quart d'heure, 20 minutes, je suis là. T'inquiète pas, c'est avec elle, y a pas de souci. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais te faire cracher ton oseille et tes dents, mon pote. Alors déjà, tu me connais pas, hein, mon surnom c'est ouais, Zlatan. Ouais, y'a pas de souci. Okay, d'accord, y'a pas de souci. Tu connais Zlatan? Ouais, y'a pas de souci, t'inquiète pas, ouais, je le connais. J'inspire la peur à mes adversaires. D'accord, je vais te montrer ce que c'est qu'avoir peur. D'accord. Y'a pas de souci. Ok. Les sales débiles. Toi, t'es Mickaël le grand frère ou quoi, toi? Exactement. C'est cassé, mon pote. Putain. Exactement, mon gars, y'a quoi? Je suis le grand frère, y'a quoi? Tu vas voir ce que c'est, la force d'un grand frère, mon pote. Franchement, tu sais quoi? Je suis assez content parce que d'habitude, moi. Ouais, ferme ta gueule, je m'en bats les couilles que tu sois content ou pas. Non, mais je suis content parce qu'en fait, j'ai cassé la console d'un con. D'accord, mais pas de soucis. Moi, je vais casser la gueule d'un con. D'un fils de pute comme toi, ça ne me dérange même pas de t'éclater. Rigole, t'inquiète pas. Repasse-moi Laura. Franchement, ton frère, je vais t'enculer. La tête de ma mère que je vais t'enculer. Mika, c'est bon, au pire, tu te trouves un boulot et tu te la rachètes, ta PS4. Quoi? Mais ferme ta gueule, toi aussi, tu veux quoi, toi? Mais c'est bon, ça va, tu vas pas faire tout un plat. Attends, toi, tu fais des dingueries. C'est quoi, je m'occupe de ton plat, c'est toi, reste près de lui, comme ça, tu t'éclates en même temps ta gueule, tu vas voir. Bon, Mickaël. Quoi? T'as l'air énervé. À ton avis? Attends, mais tu vas voir quand j'aurai brisé ta tête, tu vas voir si tu vas pas être énervé. Oh, on brise pas la tête des gens, enfin, Mickaël. Surtout quand on est en direct sur Fun Radio, Mickaël. Enfin. Ah oui. Enfin, Mickaël. De quoi? Non, mais quand on est en direct sur une grande radio nationale comme Fun Radio, on peut pas dire je vais te briser la tête, enfin. Comment ça en direct sur Fun Radio? Je m'appelle Karel, avec Alice, avec Salut. Doc. On fait Love in Fun tous les soirs. Et puis ce soir, on avait Laura, qui est notre auditrice, qui voulait faire un défi ce soir. Et le but du jeu, c'était de t'énerver. Mais vous êtes pas sérieux. Et ça a marché. Ça a marché. Alors c'est ce qui est pas cool quand même, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Elle a vraiment cassé ta console. Quoi?

mama, no. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that, I'm too good for that. Just remember that. Jennifer Lopez sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice dans le Loving Fun sur Fun Radio. Il y a Maxime sur Twitter qui demande pourquoi Doc est, il nous regarde là sur le site funradio.fr. Pourquoi Doc il est tout le temps sur ses téléphones? Parce qu'il envoie des messages à Katoche. Oui, entre autres, mais je cherche aussi des données. Ah, des données. Facebook et autres. N'hésitez pas en tout cas. Mais bien sûr, Doc est à la pointe de la technologie. D'ailleurs, c'est Doc qui avait offert des cadeaux l'année dernière en offrant ses propres téléphones. Ah, parce que comme la radio veut pas offrir de cadeaux dans les Fun. J'en profite pour en parler au patron. Je trouve ça quand même un peu incroyable. On file pas de cadeaux sous prétexte qu'on est une émission fraternelle, on s'aime. Enfin voilà, donc on n'a pas besoin de se faire de cadeaux. Mais si, il faut qu'on fasse des cadeaux parce qu'on aime nos auditeurs et quand on aime les gens, on fait des cadeaux. Je dis ça pour Sébastien, pour Tristan, tout ça. Merci. Bien sûr, bien sûr. Des cadeaux à nos auditeurs. C'est dit. Ouais, t'as pas les couilles de le faire, moi je le fais. Non, mais attends, c'est pas que j'ai pas les couilles de le faire. Si tu veux, ce serait pas le chiffre d'Alice, dis-moi. Ah, ça y est. Ah oui, le chiffre d'Alice. Sérieux, je parlais cadeaux. Non, mais bien sûr. Alors, on va parler de ce chiffre, Alice, ce soir. Et est-ce que vous êtes déjà blessé en faisant l'amour? C'est ça ton chiffre. Exactement, il y a 4% des gens qui se sont déjà fait carrément une fracture pendant l'amour. Ouais, donc c'est pas qu'un petit bobo. L'enveloppe. Et ça, c'est un beau cadeau. C'est important, dans des mouvements extrêmement violents, tu parles, une fracture de verge. Ça fait que c'est comme si ça gonfle. C'est-à-dire qu'en fait, la structure qui retient le sang est ouverte et donc ça fait un gros hématome. C'est l'horreur, quoi. Il faut recoudre. Ah ouais, non, mais ça, c'est des histoires de dingue, franchement. Pour réparer la verge. On y croit à peine. Il y a énormément de réactions. Il vous est arrivé un maximum d'accidents pendant vos relations sexuelles. On a Sonia qui nous rejoint sur Fun Radio. 24 ans de Saint-Etienne. Bonsoir, Sonia. Salut, Sonia. Bonsoir. Salut. Salut. Alors, moi, j'ai peur de tous les témoignages qu'on va entendre parce que je pense qu'on va avoir tous très, très mal. Hein. Sonia, un petit accident de parcours pendant une petite séance de relations sexuelles, ça t'est déjà arrivé, toi? Oui, j'ai eu des fissures vaginales. Des fissures vaginales. Ah, on commence fort. Ça, en général, c'est lié à des rapports assez prolongés avec une mauvaise mouillure vaginale. Aïe. Et le frottement, les allées et venues sur une muqueuse mal lubrifié peut générer ça. C'est ce qui s'est passé, c'était long, c'était très long et tu mouillais plus à la fin. Et d'un coup ça m'a mis à me brûler. Ça brûle. Et voilà, si vous frottez la muqueuse et qu'il n'y a pas de lubrification, ça, je vous garantis que ça chauffe et que ça fait des petites coupures. En plus, le mec, il est pas malin parce que on sent que ça brûle, nous aussi, tu vois, que ça chauffe, quoi. Et là, il faut se retirer, donc c'est ça. Oui, ou alors utiliser un lubrifiant artificiel, parce que la mouille originale peut être prise en défaut. Au bout d'un certain temps, elle est moins abondante dans le rapport sexuel, si le rapport est prolongé, bien évidemment. Comment, excuse-moi de te poser la question, mais ça va, tu mouilles bien Depuis mal. J'ai un peu de mal depuis, en fait. D'accord, oui. Alors, depuis qu'elle a eu mal, elle a mal, donc ça génère pas beaucoup, enfin, ça limite ses ardeurs. Dans ces cas-là, pour que ça revienne, utilise des lubrifiants artificiels. Si tu veux utiliser des préservatifs, des lubrifiants à l'eau, c'est important. Et voilà, en remettant régulièrement. Parce que le but, c'est pas de faire du feu. Hein. Non. On est d'accord. Sonia... Non, parce que là, t'es sûr d'avoir le feu au cul. C'est oui. Exactement. Sonia, reste avec nous. Il y a Arthur aussi qui nous rejoint. Arthur, t'as 23 ans, t'es à Clermont-Ferrand. Bonsoir, salut. Arthur. Salut, Arthur. Bonsoir, la famille. Salut, Arthur. Un petit accident de parcours aussi pour toi? J'ai le frein qui a pété. Ah oui, ça c'est classique. C'est non, mais ça c'est horrible. Alors ça c'est les freins, donc c'est la petite languette à l'arrière de la verge qui est devant quand c'est en érection. Lorsque la verge se décalote, surtout en érection, on décale toujours, eh bien, les mouvements d'aller et venu font qu'il y a une traction très forte sur ce frein qui peut rompre. Ça pisse le sang, il paraît, ah en bah plus. Oui, hein. Ça pisse bien le sang, oui. Du ça coup, moi, je confirme, oui. T'as dû être en panique, mec. Franchement, ouais, je me rendais que si je croyais que ma copine avait ses règles et en fait, qui saigne, qui saigne. Ouais, c'est ça, tu te demandes qui saigne en fait, c'est d'être. Parce que tu l'as accusé d'emblée, non? Tu as dit tu saignes, non? T'as fait quoi? Je me suis retiré, je dis putain, t'as tes règles et tout, tu fais chier, quoi, je vais t'en revenir avant. Tout de suite. Tu fais chier. Tout de suite. Du coup, non, en fait, j'aime bien parce que chez les mecs, il y a une certaine finesse. Bah, c'est ça, c'est la finesse masculine, hein, comme on la connaît. Ah, Alice, toi, t'as déjà eu un petit accident de parcours Ça m'est arrivé une fois où c'était avec un ex, il était super euphorique, il s'est dit je vais la porter, je vais la jeter sur le lit comme une princesse, sauf que le mec m'a jeté dans le mur. Ah, et en fait, du coup, je me suis éclaté la tête contre le mur, mais vraiment un bon mur en béton, quoi. Ouais. Et bah, voilà, quoi, j'étais pas trop bien pendant une demi-heure, donc on a remis ça plus cette tard. Cette scène, elle est magique. Mais bah, c'est ça, en fait. Te balance au lieu du lit sur le mais mur. Mais oui, le mec en plein dans le mur. Bah, et on aimerait avoir la vidéo, Alice. Hein. Si seulement. L'ultimate fail. On a Marianne. Salut, Marianne. Salut, c'est Marion. C'est Marion. Salut. Marion, ouais. t'as 25 ans, t'es d'Annecy. C'est ça, ouais. Oh, ne me dis pas que tu t'es brisé la verge. Non, rien de bien méchant, en fait. Je me suis griffé la verge, plutôt. Comment? Griffé? Ouais, c'est ça, en fait. Avec quoi? Elle mettait des ongles? Non, apparemment, en fait, ma partenaire avait un stérilet. Et donc, ça me faisait vraiment mal. Et à la fin, donc, je lui ai demandé ce qu'elle avait. Ouais. Et elle me dit qu'elle avait un stérilet. Et le truc, en fait, ça me faisait comme une grosse griffure sur le sexe. C'est quoi un stérilet, Doc? Le stérilet, c'est ce qu'on appelle un dispositif intra-utérin. Ça veut dire dans la foudre. Non, pas dans le vagin, dans l'utérus. Il peut y avoir quelques petits fils qui apparaissent au niveau du col. Soit le stérilet était mal posé, à ce moment-là, effectivement, il était dans le vagin, mais c'était pas la bonne place. Mais sinon, non, tu ne te blesses pas avec un stérilet, non. On t'a griffé le sexe. Ouais, c'est ça, de l'intérieur, mais voilà. Mais elle avait peut-être mis des lames de rasoir dans son vagin. Arrête. Oh, ça, c'est dégueulasse, Doc, sans déconner. Non, mais attends, je pense que je l'aurais plus. C'est ce qui se passait pendant la guerre du Vietnam. Quoi? Les soldats américains se tapaient des filles vietnamiennes et pour les. Elle se mettait des lames de rasoir dans le vagin et les mecs sortaient avec la bite en morceaux. Oh la vache, putain, la nez. Doc, c'est le genre de mec qui te raconte une anecdote de ouf comme ça. Ah, mais sans déconner, mais tu te rends compte de ce que tu dis, Doc? Oui, mais c'était la vérité. On est dans la guerre du Vietnam, le truc, quoi. mais elles avaient bien raison, je pense, hein, parce que franchement, étaient violées, quoi, les filles. Quoi. C'était volontaire. Elles faisaient exprès. C'était pour les niquer les Américains. Oui, parce que les mecs les violaient, quoi. Non, même pas. C'était des résistantes. D'accord. C'était pour rire, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais, petite blague. Allez, hop. Si je lui coupais la tête. C'était les ennemis, le Viet Cong. Qui, voilà. Ça va, on connaît un peu nos classiques, Doc. Ouais. Ah bon, j'ai eu peur. On prend pour des teubés ou quoi, celui-là, Élodie? Parfois, oui. Un peu. Élodie, 25 ans de Marseille, t'es là, Élodie? Salut. Oui, bonsoir. Salut, Élodie. Bah, après l'anecdote du Doc, on fera pas pire. Hein. Raconte-nous, toi, Élodie, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors moi, c'était avec mon ex, c'était un peu plus d'un an, on faisait l'amour torridement. Ouais, En fait, on a voulu changer de position et il m'a tiré en fait au bord du lit. Ouais. Et j'ai le pied, il s'est pris dans les draps et en fait, je me suis pété un orteil. Oh, t'as dû avoir tellement mal. La brutalité des mecs, je suis étonné par la brutalité des mecs. Oh, bah pas que les mecs, hein. Des fois les filles aussi. Là, hein. C'est trois histoires, trois mecs. Oui, non mais c'est vrai. Non mais tu sais, quand la fille est au-dessus de toi, tu vois, et qu'elle se met dos à toi, et qu'elle dirige et tout machin, et ben là, t'as le sentiment que tu peux perdre ta teub à tout moment. Non mais c'est vrai. Ça s'appelle l'angoisse. Mais tu peux la perdre à tout moment. Ah ouais, non mais... J'ai découvert le... Parce qu'elle est toute droite et tout, et si elle... J'ai découvert le problème de Karel, il a une angoisse de castration. Il a peur de perdre sa bite et ses couilles avec une femme. Et donc en fait, voilà... Il a une vieille angoisse de castration qui ressurgit dans le rapport sexuel. Dans cette position-là, franchement, moi, à chaque fois, j'ai peur. Donc, tu débandes. Non, je débande pas, mais on change vite de position, quoi. Je sais pas. Élodie, tu sais quoi? Oui. J'ai même oublié ton anecdote, du coup. Tu nous l'as raconté ou pas? Ah oui, ton orteil, c'est vrai. Et comment il va depuis? Ça va, en fait je suis infirmière, donc du coup ça m'a fait mal pendant longtemps, parce que pendant 3 mois j'ai eu mal, à chaque fois que je devais me positionner pour tenir les patients, c'était pénible, je me souviens de cette soirée en tout cas. Et je te rappelle que les orteils, quand il y en a un qui est cassé sans déplacement, il faut les attacher les uns aux autres pour plus avoir mal. Ça s'appelle une syndactylisation. Bien sûr, voilà. Ils attachent les uns aux autres. Tu es infirmière, c'est ça ? Infirmière, oui. Moi, j'ai une petite question à te poser, parce qu'il paraît, ça arrive de temps en temps, que parfois, quand on pénètre voilà, sa partenaire, on peut rester bloqué. T'en as déjà entendu parler de ça ? Vous avez déjà eu des personnes qui sont venues à l'hôpital pour ça ? Nous, ça nous est arrivé une fois. Ouais. C'était pour un homme qui avait un piercing au niveau du gland. Ouais. Et une dame le stérilait. D'accord. Il avait accroché son piercing dans le stérilet. Ouais. T'as jackpot. C'est ça. Ah bah putain, c'est pas moi qui avais assisté, mais mes collègues me sont régalés à me le raconter le lendemain et c'était assez marrant. Eh ben, on déconne à l'hôpital, dis donc. Hein. Non, mais tu vois le mec qui arrive en ambulance, sur sa net, il peut pas se décoller. C'est super gênant, quoi. Et comment tu fais pour retirer le truc qui s'est coincé au stérilet, quoi? Je sais pas, je pense qu'ils sont arrivés. C'est bizarre, oh putain, les piercings, on appelle ça le Prince Albert, hein, le piercing sur le gland, franchement c'est un truc de dingue. Hein. Notre auditeur du soir qui n'a jamais fait l'amour, hein, c'est Vincent. Vincent, je pense qu'on l'a bien dégoûté depuis ce soir. Ouais. Vincent, ça te donne envie de faire l'amour ou pas, tout ce que t'entends là? Là, vraiment plus. Non, tu le feras plus? Là, je le ferai plus. D'accord. Et heureusement pour toi, quand tu aimeras une fille, ça reviendra. Mais bien sûr, ça se passe pas tout le temps comme ça. D'ailleurs, on a Charlotte qui, je pense, va rassurer tout le monde avec son anecdote. Charlotte, 30 ans de tour. Bonsoir Charlotte. Salut Charlotte. Salut Karel, salut Doc, salut tout le monde. Salut Chacha. Raconte-nous, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Eh ben, je vais pas rassurer tout le monde, malheureusement. Merde, oh là, c'est la fracture ? Non, hémorragie interne. En quoi ? Fait, ouais, c'était soi-disant ma deuxième fois, mais sauf que ma première n'a pas été bien faite, donc du coup c'était entre guillemets la première fois. J'étais avec un plan et le problème c'est que il était un petit peu trop brutal. Ouais. Voilà, et donc voilà, j'ai eu un petit peu mal et tout, et le lendemain en fait on était chez des potes, hein, et on s'est amusé, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, à faire des abdos. Et là, j'ai eu très très mal à l'intérieur, dans le bas du ventre. Ouais. Et je suis rentrée chez moi, et là, du sang partout. Oh là là, saigné, hémorragie. Je ne sais pas, donc du coup, direction les urgences. Et les urgences, en gros, j'avais tellement mal qu'ils n'ont même pas pu me toucher, quoi. D'accord. Non, mais d'accord, mais attends, ils ont trouvé ce qui avait saigné, c'est obligatoire. Il est que en fait, elle m'a dit d'aller voir ma gynéco. Elle n'a pas trouvé. En fait, elle m'a dit d'aller voir ma gynéco. Et ma gynéco, en fait, je vais expliquer l'histoire, et qui m'a dit, elle m'a fait une échographie. Elle m'a dit, en fait, tu as l'utérus qui est introversé. Donc, il suffit d'aller un petit peu trop loin, un petit peu trop fort, et ça peut permettre des fois d'avoir des hémorragies. Hémorragies, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui soit blessé. Après, j'en sais pas plus, moi c'est ce qu'on m'a dit. Elle, aux urgences, ils ont juste pas pu du tout me toucher. Ils m'ont donné ce qu'il fallait pour éviter d'avoir mal et arrêter l'hémorragie, une crème intérieure, et c'est tout ce que j'ai eu. Enfin bon, t'as pas eu de période de transfusion sanguine, quoi. Non. Non, donc c'était pas une hémorragie okay. trop grave. Et non, voilà, mais c'est. Okay. c'est... Ça a bien saigné, quoi. Bah, tu m'étonnes. Ça t'a fait peur. Ça fait flipper, quand même. Ah bah, c'est sûr, quoi. Je suis d'accord. Bah, tu gardes le sourire, en tout cas. Et ça, c'est ouais, le plus important, ma chérie. Je me dis, voilà, c'est quand j'étais jeune. Eh bah, ben, je te remercie beaucoup. Depuis, tu l'as refait, hein. Oui, je vous rassure, j'ai refait. Eh bah, ben, voilà. Et c'est, oui. Et c'est bon, hein, quand même. C'est... Ouais, franchement, ah bah. Je vais pas dire le contraire. Hein. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on aime le faire, bien sûr. Charlotte, Élodie, Marian, Arthur, Sonia, merci à tout le monde. Le chiffre d'Alice, tous les soirs, il y a un nouveau chiffre. Hein. D'ailleurs, vous pouvez réagir sur le Facebook, sur le Twitter de Love in Fun. On sera avec Nora dans un instant. Nora, 24 ans de Lyon, qui vient nous appeler au standard 01 42 48 5000. Bonsoir Nora. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut Nora. Salut Nora, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Eh ben, mon mec se masturbe alors qu'on est en couple et ça me vexe. Ok, et ça c'est pour toi. Pas la première fois qu'on entend parler. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir. 01 42 48 5000. On va écouter Sia, Kendrick Lamar. Voici The Greatest sur Fun Radio, Love in Fun. I am the truth. Ay, I am the wisdom of the fallen, I'm the youth. Ay, I am the greatest, ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I fell twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the strongest survive, another scar may bless you. I don't give up, no, no. Give up, no, no. Don't give up, no, no, no. Nah. Don't give up, I won't give up. Sia sur Fun Radio, The Greatest. 01 42 48 5000. Love it fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. À la radio, sur internet, sur les portables. Il y en a qui nous envoient plein de snaps, là, qui sont en train alors, de jouer aux jeux vidéo. Il y en a qui révisent, qui nous mettent des problèmes de maths, des trucs. Ça fait. Ça, c'est pas à Karel qu'il faut. Ah bah, non, je te le dis direct. Hein. Non, moi, j'avais fait L. Non, c'est toi le scientifique dans l'équipe, Doc. Hein. Moi, je suis pas sûr que je m'en souvenir des. Non, je crois pas. Mais on vous a déjà aidé, hein. Je me souviens des auditeurs qui nous avaient appelé parce qu'ils étaient en galère, justement, sur un problème et tout. Sur un truc à rendre pour le lendemain et on peut se mobiliser. Il y a des professeurs qui nous écoutent. Et puis des profs aussi, bien sûr. N'hésitez pas. 01 42 48 5000. Nous, c'est simple. Tous les soirs, on est là pour vous. Donc allez-y, lâchez-vous. Sur les réseaux sociaux, beaucoup, beaucoup de messages. On les lit à l'antenne avec Alice. Un message de Louisa. Comment repousser efficacement un mec qui me drague avec lourdeur? Dégage. Dégage ta gueule. Tu me plais pas, t'es moche. Non, mais je pense que quand c'est comme ça, il faut avoir des mots extrêmement fermes et vrais. Bah, dégage. Pas de périphrases. Tu sais, en fait, tu ne m'intéresses pas. Dégage. Donc, va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Et un autre message de Thibaut, il doit apprendre un truc par cœur pour demain, mais il n'a aucune mémoire. Il se demande pourquoi certaines personnes retiennent tout par cœur et pas lui. Parce que d'abord, il y a une question technique, mais aussi d'intérêt pour. S'il apprend par cœur quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il embête profondément, il va avoir beaucoup de mal. Il faut comprendre déjà ce que l'on apprend. Et après, il y a des moyens mnémotechniques, c'est clair. Il y a des moyens mnémotechniques, comme tu dis, Doc, mais il y a un truc, moi, dont je me souviens, parce que j'avais beaucoup de mal comment tu dis? Il faut lire et écrire, c'est pas la même mémoire. Quand tu écris, c'est pas la même mémoire que quand tu lis. Mais il y a un truc, c'est quand tu révises juste avant de te coucher, tu dors, et le lendemain, tu sais tout par cœur. Parfois, oui. La nuit, ça travaille vachement. Ça dépend ce que tu apprends. Mais si ça l'embête profondément, là est le problème. Ouais, c'est ça. Sinon, tu peux toujours tricher. Hein. Je veux dire, là, t'es garanti 100% efficacité. Ou alors avoir un bon voisin. Un voisin meilleur que toi, ça peut fonctionner. Nora est avec nous. Nora, 24 ans de Lyon. Bonsoir, Nora. Salut, Nora. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, Alice. Salut, Nora. T'as un souci avec ton mec, toi? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Et il se masturbe toujours. Et moi, ça me vexe. Ah, d'accord. Il se masturbe devant toi, tout seul. Il te dit. Bah non, tout seul et limite en cachette, quoi. Et justement, il t'en parle. Ah bah non, je l'ai découvert en visionnant son historique d'ordinateur. Oh là là, tu peux nous raconter comment? C'est bon. Bah en fait, j'étais en train de... Mais non, historique. Pardon? Historique d'ordinateur. Il se filme. Non mais comment tu as vu qu'il se masturbe? Elle est allée dans l'historique. Après, je suis allée dans l'historique et j'ai vu en fait qu'il avait visionné des vidéos sur des sites porno. Mais c'est... Et bah du coup après j'ai attendu qu'il rentre des boulots et j'ai dit écoute c'est quoi ça. Et il a fini par me l'avouer. Mais c'est pas forcément ce qu'on croit. Franchement. Moi Nora, j'ai une autre question à te poser. C'est pour le boulot des fois. Non mais d'accord, Nora, j'ai une autre question à te poser. Oui. Sexuellement, est-ce que tu es heureuse avec elle, avec lui? Ah bah carrément. Donc voilà, tu passes ton chemin, tu t'en fous. Il a une vie privée, il se masturbe et si tu as une bonne vie sexuelle et que tu es heureuse, c'est pas grave, il te trompe avec sa main, mais c'est tout. Ouais, mais moi, du coup, je me dis, sans s'il faut, il est pas satisfait avec moi, alors que non, c'est pas rien à voir, je crois. Ouais, mais elle a raison. En plus, je vais te dire, non, mais attends, faut être très clair. Ceux qui visionnent des films porno, c'est pour se procurer des excitations extrêmement fortes. C'est pour ça que ça a autant de succès. Les gens visionnent ça pour se masturber et avoir des orgasmes plus forts. C'est ce qu'ils constatent en général. Et voilà pourquoi ils le font. Voilà. Tu sais, moi je vais te dire, régulièrement, on voit Doc sur des sites porno pendant l'émission. Moi ça risque pas. Et pourtant il est avec Katoche, tu vois. Mais bon, moi je m'assure pas du tout. On l'a tous vu, hein. On l'a tous vu. J'ai une vie sexuelle épanouie. Il y a même une vidéo. Ça m'étonne. Il y a une vidéo, si vous voulez la voir. Ah oui, j'embrasse. Cassim qui l'a filmé tout à l'heure. C'était pendant le titre en fait. Il y a Geoff qui regardait un film de cul sur son ordi. Il y a Doc qui est arrivé. L'air de rien, en mode oh qu'est-ce que tu fais, tiens tu regardes un petit porno, je me tourne les gants. Alors il y a une preuve. Doc, il y a une vidéo. On va la retweeter. J'ai vu parce que c'était tout simplement des filles en culotte, je sais pas quoi. Non mais voilà. Sans intérêt. Non mais Nora, moi je comprends parce que t'es pas la première à en parler à l'antenne et tout. Je sais pas ce que t'en penses toi Alice, t'as un mec, moi je sais pas s'il se masturbe quand t'es pas là. Oh, probablement. Et ça te dérange ou pas toi? Non, pas du tout. Ah ouais? Non, fut un temps où je me posais la question parce que j'étais un peu plus jeune, donc un peu plus possessive et je me disais, oh ça se trouve il se masturbe sur des meufs qui trouvent plus canon que moi, ou des trucs comme ça. Mais maintenant en fait je m'en contrefous parce que de toute façon c'est des nanas qui souvent ne parlent même pas sa langue. Ah ouais. Donc je me dis franchement, non ça me dérange pas plus que ça. Je préfère largement qu'il mette du porno plutôt qu'il aille flirter avec une nana. Ouais c'est ça. Ça me dérange pas du tout, c'est pas sur des filles, c'est sur des situations. Oui voilà, en plus, donc ça me dérange pas. Qui procure effectivement une excitation, ça avait été prouvé. On avait mis des gens dans une salle qui visionnaient un film porno et même des gens qui n'avaient pas spécialement envie avaient tous une excitation sexuelle. C'est une constatation qui est certaine. Voilà, c'est comme ça. Bon. Et puis Nora, sache quand même qu'il y a des filles qui le font aussi, qui se masturbent. Est-ce que tu te masturbes, Nora? Ben non, parce que moi je dis pourquoi faire toute seule, parce qu'on peut faire à deux, quoi. Parce que c'est bon, ça donne du plaisir. C'est tout, hein. Pas chercher plus loin, hein. Bon, Nora, moi je vois les choses positives. Tu as une vie sexuelle épanouie avec lui, tu es heureuse avec lui. Vous partagez plein de choses, je me trompe ou pas? Ah bah complètement. Puis enfin, voilà, on est ouvert l'un comme l'autre sexuellement, donc il y a aucun souci de ce côté-là. Bah, c'est ça le principal. Oublie ça. D'accord, parce que sache qu'il n'est pas le seul. D'accord. Oui, Karel le fait tous les jours. Bien sûr, Godefroy, tu le fais bien sûr, Godefroy. Hein. En fait, c'est Cassim qui me met les vidéos et moi je regarde. Les mecs, vous me faites peur. C'est trop bizarre. En fait, ils ont une relation particulière, les deux. Hein. Dans l'affaire, c'est Cassim qui a mis les vidéos. Ah ouais, bien sûr. Bah, ça étonne personne. Je peux vous branler aussi si vous voulez. Non, Cassim. C'est-à-dire que Cassim, lui, alors moi je connais sa gymnastique du matin, c'est dès le réveil, tu vois. Hein, tu sais, j'ai même le muscle de la branlette, là. Regarde comme il est. Bien sûr. Le fameux, tu ne me battras pas. Ah bah, si, putain, t'étais. Putain. Attends, c'est un kyste, ça, le mec est branleur professionnel. Tu consultes, hein. D'ailleurs, on a eu un auditeur qui se masturbait à quatre pattes et Cassim, le lendemain, nous a dit qu'il avait essayé chez lui. Ah oui, c'est vrai. Il y a deux jours, on a eu un auditeur qui nous a appelé et qui nous a dit bon, mon kiff, c'est de me branler, je me mets à quatre pattes. Et t'as essayé de faire tout. Et franchement, c'est stylé parce qu'en fait, ça te gonfle la verge. Après, tu gigues de ouf sur tes oreillers. Super. Putain, bizarre. On passe à autre chose, Nora. Je te fais des gros bisous, ma chérie. Gros voilà. Bisous, il est normal, salut. Ton mec. T'inquiète pas. Okay, on a reçu un message, Alice, sur les réseaux sociaux. Là. On a reçu un message de Ludo. En fait, il adore être célibataire et il trouve quasiment que des avantages à rester seul. Et il se demande du coup s'il est le seul dans cette situation ou pas. Non. Ah, c'est juste qu'il n'est pas en couple, hein. C'est quand même mieux d'être en couple, je pense, non? Il y a des gens qui aiment le célibat, oui. Des avantages, des inconvénients, on en parle dans un instant après Pitbull, Florida sur Fun Radio. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Dream, I wanna loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up, so give me the green light. Cause I'm ready to go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, should never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out, smile out. Rally stripes, Cindy 500 pound out. Hey, red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Et Florida sur Fun Radio. 20h, 22h. 0,42,48,5. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Tous les soirs en direct sur Fun Radio du dimanche au jeudi, 20h, 22h. On est là avec toute l'équipe. On est filmé aussi tous les soirs. Si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe dans le studio, je sais qu'il y en a plein qui sont curieux. N'hésitez pas, funradio.fr, vous connectez directement ou depuis l'application sur les mobiles, hein, l'application Fun Radio. On a reçu ce message, Alice, d'un auditeur qui voulait savoir les avantages du célibat, c'est ça? En fait, c'est Ludo. Il adore être célibataire. Il trouve quasiment que des avantages à rester seul. Notamment, il me disait que ce qu'il adore, c'est prendre toute la place dans le lit. Et ça, il peut pas le faire quand il est en couple. Et du coup, il se demande s'il est le seul dans cette situation. Et donc voilà, selon vous, quels sont les avantages du célibat? On a Benjamin qui est avec nous, 21 ans de Paris. Salut Benjamin. Salut Benjamin. Bonjour Alice, bonjour Doc, bonjour Karen. Salut. Salut. Bienvenue à toi, ça va super Benjamin. Tu penses qu'il y a des avantages, toi, à être célibataire? Ouais, il y a des avantages d'inconvénients, mais il y a pas mal d'avantages. Genre déjà, bon, moi je suis quelqu'un d'assassiné, ce qui fait que généralement je me coupe souvent de ma copine. Attends, dis donc, t'as tendance à particuler toi. T'es speed, hein. T'es speed, t'as pris des substances illicites ce soir. Non, ouais, je prends les doucement si tu veux. Je m'en attention, drogué, hein. T'as le temps. Vas-y, prends ton temps, Benjamin. Non, moi généralement je suis quelqu'un d'assassiné quand j'ai ma copine, donc je m'occupe beaucoup d'elle. Et du coup, ce qui veut dire que quand t'es célibataire, tu peux t'occuper que de toi-même. En gros, il y a que la petite gueule qui compte, c'est bien. S'occuper des gens, c'est toujours bien. Mais sinon, je suis aussi quelqu'un d'assez joueur, ce qui fait que là, quand t'es célibataire, moi, je m'amuse, en gros, entre guillemets, à aller draguer pas mal de filles. Alors, quand t'es en couple, t'es obligé d'être fidèle. Enfin, eh ouais, c'est mieux. Ouais. Du coup, moi, l'avantage de pouvoir draguer, de faire le joueur, je trouve ça bien marrant. Mais c'est avant ça. Avant de te caser, quoi. Les deux sont bien, franchement. Ouais, ça, c'est une question très personnelle. Ouais, c'est vrai. Ça dépend des périodes aussi. Il y a des gens qui ne supportent pas d'être seuls et d'autres qui refusent d'être en couple. Ça existe. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des gens qui réellement optent pour le célibat par choix et non par manque. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, Émilie est avec nous, 29 ans de Lille. Bonsoir, Émilie. Salut, Émilie. T'es célibataire, t'es mariée, t'as des enfants? Non, moi, je viens de me séparer, moi. Ah, merde. Aïe. Oups, pardon. Ouais, mais c'est pas grave, il n'y a aucun souci. T'es contente? Bon débarras, c'était un gros boulet. Dégage, bon voyage. Dégage, bon voyage. Elle est pas mal cette phrase, dégage, bon voyage. Émilie, justement, alors t'étais en couple, là tu redeviens célibataire, ça a changé quoi pour toi? Non, mais en fait c'est bien, parce que tu peux t'amuser, mais le problème c'est que franchement, tu te rends compte que vite seul c'est un peu bizarre. Ouais, moi j'aime pas trop. C'est-à-dire? Ouais. Pour moi c'est. Il manque un homme dans une maison. Ah ouais. Oui, bien sûr, tu me battes. Mais ça, oui, moi, je comprends très bien. Non, c'est dommage que. Après, voilà, c'est. Mais est-ce que tu arrives à être seule bien aussi? Ah ouais, j'arrive très bien. D'ailleurs, je m'amuse bien. Donc ça va. Donc. Mais en fait. Quand on est seul, on est célibataire. En fait, tout ce qu'on veut, c'est plus être célibataire et trouver une nana. Ouais. En fait, c'est un peu ça. En fait. Bah ouais, c'est un peu ça. Donc c'est une période transitoire, le célibat. Oui, mais c'est bien de passer par là et de l'accepter, de le vivre pleinement. Ah, Émilie, c'est surtout pour les enfants que c'est un peu plus compliqué, mais après. Oui, bien sûr. Ah, ça c'est clair. Et Émilie, on te souhaite de trouver la bonne personne, en tout cas. Ouais, j'ai rencontré quelqu'un dans votre site de cette radio. Alors c'est encore plus marrant. Quoi? T'as rencontré qui? J'ai rencontré quelqu'un. En mettant des commentaires sur votre Facebook. Ouais. En fait, j'ai rencontré quelqu'un en parlant. D'accord. Il s'appelle comment, cet auditeur de Fun Radio? Mais je sais pas si je peux le dire, en fait. Non, tu peux dire son prénom. Il s'appelle Mathieu. Mathieu, d'accord. Et auditeur de Fun. Ça pêche pas mal sur le Facebook de l'émission. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Il y a pas mal de communication. Ça s'envoie des petits coups. Peut-être même un peu trop, des fois. Et tout. Et voilà, Émilie. Bon, après, il y a des gens bizarres, mais il y a des gens bizarres. Regarde, dans l'équipe, il y a Doc, il est bizarre. Je pense pas que ce soit le plus bizarre. Ah bon? Non, mais ravi, en tout cas, que tu l'aies rencontré sur le Facebook de l'émission. Ouais, écoutez, on fait que les bons Facebook. des bonnes rencontres, ça va. Donc. Eh ben, tu écoutes la bonne émission, ma chérie. Jolane. Merci, bonne soirée. Ah, mais reste avec nous quand même. T'en vas pas comme ça. Hein. Merci. Dégage mon voyage. Non, c'est pas ici. Hein. Jolane, t'es là ou pas? Ouais, salut l'équipe. Ça salut. Va salut. Salut Jolane. T'as 19 ans, t'es à Poitiers. Ouais, ça. Toi, t'es célibataire, toi, Jolane. Ah oui. Ça s'entend dans ta voix, Jolane. Ah ouais, purée, hein? Je savais pas ça. Vous m'avez pas dit. C'est la fête du slip tous les soirs à la maison, hein, Jolane. Hein? Hein, oh, les pizzas partout, dans la chambre, il y en a partout. Ah non, pas les pizzas. Les parties de console jusqu'à 4h du matin avec les potes. Ouais, sachant qu'il y a les cours le lendemain, c'est un peu galère. tu kiffes d'être célibataire ou t'en as marre? Oh, j'en ai marre. Ah ouais? Pourquoi? Ouais. C'est quoi pour toi les avantages d'être en couple? Ah bah j'avais pour l'avantage du célibataire, c'est quand même de se muscler les bras. Hein. De se muscler le bras, oui. On n'a jamais parlé de cette musculation de bras, ouais, absolument. Et ça, c'est l'avantage principal pour toi? Ah bah ouais, c'est limite le seul que je vois. Hein. Ah ouais, toi, t'as envie de rencontrer la fille, quoi. C'est ça. Passe ta petite annonce, Jolane. Tu es comment physiquement? Oh bah 1m75, 75. 14 kilos à peu près, sportif, voilà quoi. Et il est un homme à prendre ce soir, les mesdames. Mesdames, mesdemoiselles, il est de Poitiers, ami Poitevin. N'hésitez pas à nous appeler. 01 48 48 5000. Comment? Une agence matrimoniale. Oui, je suis en train de montrer une petite agence matrimoniale. Bah, je ne paye pas par contre. Hein. Oui, non, mais t'inquiète pas, c'est entièrement gratuit. Jolane, reste avec Karel, c'est pas possible, c'est jamais gratuit. Vincent, ça coûte un café. Vincent, t'es là, Vincent, notre auditeur du soir. Ouais, je suis toujours là. Toi, t'es célibataire, mon pote. Ouais, je suis célibataire encore. D'accord. Et c'est quoi les avantages d'être célibataire pour toi? Alors déjà, bah, je peux sortir avec qui je veux, je peux embrasser qui je veux, et surtout le soir, je peux écouter Love in Fun sans qu'on me fasse chier, quoi. Sans qu'on fasse chier. Non, tu sais qu'il y en a qui écoutent Love in Fun en couple, hein, bien sûr. Hein. Il y en a même qui font l'amour en nous écoutant. Ça, c'est particulier. Hein. Eh ouais. C'est particulier. Eh bah, pourquoi pas, j'ai envie de dire, tout est bon à faire en écoutant Love in Fun tous les soirs. Restez avec nous dans un instant, la question de l'internat. On sera en direct d'un internat sur Fun Radio, 01 42 48 5000. Venez poser votre question là, venez représenter votre internat et foutre le bordel là, dans toute la France sur Fun Radio. On écoutera Feder aussi pour le son avec Alex Ayono. Et ça, c'est énorme. Hein. On passe encore une super bonne soirée là avec vous. Merci d'écouter Fun Radio tous les soirs. À tout de suite. Soir, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Salut, c'est Marion et Anso. Cette semaine, à l'occasion de la Paris Games Week, gagnez votre pack PlayStation avec une PS4, le jeu The Last Guardian et vos passes pour le salon. Mais dis donc, Marion, est-ce que ce serait pas l'occasion de venir nous voir pour l'émission qu'on fera jeudi à la Paris Games Week? Comme ça, paf, on est ensemble, on fait des câlins, hashtag gameuse. Tous les soirs, 22h minuit, here we go, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Paris Games Week, le rendez-vous incontournable du jeu vidéo en France. Du 27 au 31 octobre, Porte de Versailles. Oui, c'est exactement ça, Droppy. T'as tout compris. Tu déposes le CV et t'attends sagement la réponse. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job avec mon pigeon voyageur. T'es sérieux, là? Bah oui. Non, mais laisse ton pigeon tranquille. Il faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace, pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Mais je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. Fun Radio présente Enjoy Life. Vendredi 11 novembre, à l'espace 1500 à Ambérieu-en-Bugey, à 25 minutes de Lyon. Enjoy Life. C'est la nouvelle grande soirée électro. Avec les DJ Fun Radio, Lumberjack et Maeva Carter en mix. La première édition de la soirée Enjoy Life. À l'espace 1500 à Ambérieu-en-Bugey, à 25 minutes de Lyon. C'est avec Fun Radio, le son Dance Floor. Plus d'infos sur funradio.fr. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Fun Radio is my radio. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat avec le compte Fun Radio FR. I love you, Fun Radio. Suivez Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Même pas eu le temps de lui expliquer. la peine de continuer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. Mais à coup pas. Je lui dis qu'elle m'a fatigué. D'elle que je vais tout lâcher. Je sais pas comment lui expliquer. Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. Mais à coup pas. Avouer, à demi-mot pardonner, tous tes défauts avouer, à demi-mot pardonner, mais c'est le temps qui court, et c'est le temps qui court, mais c'est le temps qui court, oh, c'est le temps qui court. Mea culpa. Mea culpa. Love in Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 0-1-42-48-5000. On est là pour vous tous les soirs sur Fun Radio pour vous aider. N'hésitez pas à nous appeler Love in Fun Libre Antenne au 01 42 48 5000. On a le plaisir d'accueillir Lucille. Elle a 21 ans de Toulon. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut. Salut. Bonsoir Lucille. Tu nous appelles pourquoi? Parce que je suis un peu sofolle. En fait, moi, j'aime bien m'exhiber un peu en culotte. En culotte. Tu es en culotte là d'ailleurs. Exhiber en culotte. Où ça? Où tu te mets où en culotte? Bah en fait, en général, je ne mets pas de culotte. Non, elle est sans culotte. Sans culotte. Sans culotte, oui, d'accord. Tu nous appelles sans culotte? Bah oui. Ah, bah oui, voilà. Non, mais c'est bien. Alors, tu t'habilles comment? Eh bah, je m'habille normal, mais sans culotte. Non, mais d'accord. Un pantalon ou une jupe? Ça dépend. Des fois, j'aime bien m'amuser à mettre une jupe. Alors, c'est un petit peu bidon, mais en gros, j'aime bien intimider les garçons quand, genre, ils sont avec leurs copines et tout. J'aime bien, genre, faire des petits jeux. Je décroise vite les jambes, histoire qu'ils voient un petit peu et tout, pour l'histoire de les mettre intimidés. C'est trop drôle. Et moi, ça me fait trop marrer. on a super coquine au téléphone. Et donc, est-ce qu'il y a des garçons qui repèrent ça et qui, du coup, te branchent? Ah oui, il y en a. Mais après, du coup, moi, je décide. Même avec leurs copines. Ouais. Mais par contre, tu fais pas ça dans un métro, quoi, tu vois, parce que sinon tu vas te faire sauter dessus, hein, je te le dis direct. Hein. Non, après, je fais attention, je suis pas dingue, mais j'aime bien, ça m'amuse. Est-ce qu'il y a déjà des petits copains de tes copines qui t'ont dragué à cause de ça? Non, par contre, je fais ça déjà, je connais pas. D'accord, on se connaît à peine, c'est marrant ça. Non mais, Lucie, du coup, tu veux savoir quoi par rapport à ça, parce que t'es exhibitionniste un petit peu, quoi? Bah ouais, j'aime bien, mais du coup, j'ai l'impression que c'est pas très sain. Mais pourquoi ça me fait marrer, moi? Bon, c'est du ça. T'as envie de te montrer, parce que... Voilà, et t'as des relations sexuelles, là, ou pas, en ce moment? Ah, ouais, bah ouais. Ah, dis donc, proposition de doc, là. Non, il est chaud, non, hein. J'appelle Katoche, Allô, Katoche. Elle va pas être contente, Katoche. Il a rien compris. Mais non, attends, vous êtes avec Katoche, on a un problème avec Doc. Il est complètement à la masse, celui-là. Il drague tout ce qu'il bon, tu vas fermer ta gueule, là. On se retrouve à l'hôtel et on en parle. À tout à l'heure. Dis-moi. Lucille te dit d'accord. Ce qui est très important, voilà, tu peux aller avec Lucille, ça veut pas de problème. Elle est pas contente. Juste, est-ce que tu as une vie sexuelle épanouie ou pas? Ou est-ce que tu as besoin, par exemple, lorsque tu fais l'amour avec ton copain, de t'exhiber aussi? Je suis célibataire, donc j'ai quelques plans. Voilà. Est-ce que, par exemple, t'aimes bien faire l'amour dans un lieu public avec un mec? Ouais, ça, je trouve ça trop excitant. Mais il y a des mecs qui aiment bien ça aussi, c'est ça. Faut que tu trouves un mec qui s'accorde à toi, parce que je peux t'assurer qu'il y a aussi des mecs qui vont trouver horrible le fait que tu puisses sortir sans culotte, quoi. Enfin, c'est chaud, quoi. Mais c'est simplement ta sexualité qui parle, parce que voilà, t'as besoin un peu de provoquer les gens, c'est tout, c'est comme ça. Mais ça va passer avec le temps. Le jour où t'auras une vie affective équilibrée, une vie sexuelle bien, peut-être que ça te passera. D'accord. Tout simplement, mais c'est pas dramatique. Ouais. Ce serait pas mal, parce qu'avec lui, tu peux faire ça. Oui. Soit tu trouves un mec qui accepte tes délires et qui même voilà, est un peu exhibe lui aussi, soit tu trouves un mec qui n'accepte pas et là, il va peut-être changer d'attitude. Tu comprends? Ouais, je suis encore jeune. Ah tu continues de profiter et de faire rêver toutes les personnes que tu croises. Ça m'inquiète pas trop ce qui t'arrive. Ah je t'en prie, tu nous as fait une Afida Turner en fait. Hein. C'est ça qu'elle avait fait à la télé, Afida Turner. Elle avait pas mis de culotte et puis on avait tout vu. Ouais, mais pas la seule. Hein. Ouais, bah ça c'est vrai. Lucie, en tout cas, on t'embrasse fort. Hein. Tu viens quand tu veux à l'émission. Hein. Ah ouais. Hein voilà, c'est une note. Et avec plaisir, on t'accueillera dans l'émission. Elle va venir en pantalon, tu vas être hyper déçu. Quoi. Je suis persuadé qu'elle ne viendra pas en pantalon. Comme par hasard. Salut Lucie. Salut ma chérie. On va se retrouver en direct d'un internat, l'internat d'Antoine qui sera avec nous dans un instant. Antoine. Salut les mecs, on sera en direct de l'internat à Verdun là. Vous restez bien avec nous. N'hésitez pas à venir poser vos questions. J'avais promis Feder, on l'écoute maintenant sur Fun Radio. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule. Strong. On my face, I tell them, don't go. We love, that's my place. There's nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, sure. Everyone will know, sure. That we will be the ones that hold the highest truth. A kingdom in my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold. Fun Radio, Feder, Lordly. Love in Fun. 20h-22h sur Fun Radio. Et la question de l'internat, c'est parti avec Antoine, 15 ans de Verdun, en direct de l'internat de la maison familiale de Stenay. Bonsoir Antoine. Salut. Antoine, ça gueule avec les potes, mais il paraît que le pion est pas content là, à côté. Là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit le pion? Attends. Ouais, il a dit qu'on devait tous aller au lit. Ah, d'accord, ok. Il a dit, fermez bien vos gueules, c'est ça? Ouais, un peu ça, ouais. D'accord, les gars, petite question de l'internat ce soir, c'est quoi votre question à vous? Est-ce que ça se peut qu'on soit fini à la pisse? Qu'on soit quoi? Est-ce que ça se peut qu'on soit fini à la pisse? À la pisse. Fini, j'ai pas compris la question. D'accord. Bah, en fait, c'est l'expression, tu sais, l'expression, oh, toi, t'as été fini à la pisse. Ah, tu vois? Ouais. Non, c'est, non ça, ça n'existe pas, Antoine. Non, ça n'existe pas du tout. Oui. Mais non, hein, enfin, ce sont de magnifiques spermatozoïdes qui permettent... Ah non, mais l'urine n'a rien à voir. Ah, ça y est, t'as compris, Doc. Ah, oui, elle est grave, la question. Ah oui, c'est la question de l'internat en même temps. Hein. Tu sais, les gars, ils choisissent, quoi, tu vois. D'accord, ok, je comprends mieux. Eh bien, écoute, oui, non, ça ne se fait pas comme ça. Les spermatozoïdes sont dans le sperme et pas dans l'urine. Et alors, quand tu éjacules, très précisément, effectivement, il n'y a pas de mélange avec les urines, puisque la vessie, par l'érection, est bloquée et ne peut pas émettre d'urine. Voilà, donc il y a une séparation des deux voies, comme une fermeture, comme s'il y avait un blocage au niveau de la vessie qui ne permet pas à l'urine de sortir. Voilà. Et ben voilà, Antoine, tu n'avais pas eu cours de bio là aujourd'hui, ben, tu l'as eu, tu vois, non. Avec Doc. Et ben, Antoine, vous voulez passer un petit message, les gars? Ouais. C'est parti. Donc, je parle à ma copain, tant que j'y pense, il faut que je dise Léa, je t'aime. Ouais. Dédié à tout l'internat, à tous les gens que je connais, tout ça, tous ceux qui me reconnaîtront. Et puis, bonne soirée à tous. Et est-ce que c'est possible d'avoir un pack fun? Ouais, tu raccroches pas, on va t'envoyer sa distribution de capotes dans tout l'internat. Et je remercie Vincent, notre auditeur du soir, qui fait de la radio et qui lance sa web série sur le net. Ça va démarrer samedi, c'est ça, Vincent? Ouais, ça s'appelle Entre potes, allez aimer la page Facebook. Allez aimer la page Facebook, voilà. Et merci beaucoup, Vincent, t'as été au top. Merci. Salut, mon poteau. Bonne soirée. Et rendez-vous dès demain, dès 20h sur Fun Radio, oui. 20h, 22h, tous les soirs du dimanche au jeudi, Love in Fun. On va retrouver Marion Anso, le Night Show ce soir. Oui. Tonight. Bonsoir. Les filles. Bonsoir. How are you, girls? We are fine. What about you? Ah, very fine too. What about the program tonight? Oh, it's so good. A big program with a lot of surprise. Oh, surprises. Oh, yes. Yeah. Yes. Super. What is the name of the song of the song tonight? Oh, mais ferme ta gueule. J'embrasse Madame Toupin, ma prof d'anglais qui doit être fière ce soir. Oh, Madame Toupin. Ah, Madame Toupin, en cinquième. J'étais son élève préféré, favori. My favorite student. Gros bisous, les filles. Bisous. Big kisses. Salut, à demain. À demain. Oh non, pourquoi j'ai souri? Il va remarquer l'écart d'un mètre entre mes dents de devant. J'adore son sourire. En plus, avec l'écart entre ses dents, je vais pouvoir ranger mon vélo. Anso, arrête de te resservir. Ça fait déjà la deuxième bouteille. Oh, il va vraiment me prendre pour une alcoolo. Oh mon Dieu, mais quelle descente. Ça me rappelle mes vacances au ski. Si vous n'aimez pas le Night Show, quelqu'un l'aimera pour vous. Rencontrez-nous de 22h à minuit, du dimanche au jeudi, sur Fun Radio. Tous les soirs, 22h minuit. Welcome to the Night Show. Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. Oui, j'ai envie de te dire bonsoir, la France. Olé. Bonsoir à vous tous qui nous écoutez. Peut-être que vous êtes en train de bosser, peut-être que vous êtes en voiture, peut-être que vous êtes en train de nous écouter en cachette dans le lit. Eh bien, soyez tous les bienvenus. Vous écoutez Marion et Anso, c'est le Night Show tous les soirs en direct sur Fun Radio. Du dimanche au jeudi, je suis Anso, la petite blonde à franges, et accompagnée tous les soirs de Marion, la petite brune à franges. Bonsoir. Oui, mais j'aimerais bien que tu enlèves le petit. Les gens n'ont pas besoin de savoir, c'est de la radio. Je suis une grande brune à franges. D'accord, si tu veux. Personne n'y croit par contre. Hein. D'accord, ça marche. Bon, ça va? Écoute, j'ai une galère, vous savez pas quoi? Bah, je vous en ai pas parlé, enfin j'en ai parlé à Marion, je vous en ai pas parlé les garçons. J'ai mon tuyau de douche qui a pété ce matin. Oh, oh la bon, galère. Ça non mais une tannée quoi, tu sais le joint percé, hop, la pression qui part. Ah ouais. Alors qu'il faut que je me lave les cheveux demain matin, alors, comment je vais faire? Oh non mais merde. Alors trouve une solution parce que là ça devient grave. Non mais à l'eau froide franchement ça passe. Mais je peux pas, c'est vrai que l'eau ne passe pas dans le tuyau. Donc je serais obligée d'être sous le robinet, je sais ce que je veux dire. C'est bien en tout cas. Une bien belle anecdote pour commencer cette émission. Merci Anso. Mais si vous êtes plombier, appelez-nous. En tout cas, aujourd'hui, on a fait une petite vidéo pour vous. Allez la voir. Elle est sur Facebook et sur la page YouTube. On s'est marié avec l'équipe. C'est un jeu très con, mais que vous pouvez faire avec tous vos potes. Faut juste pas être susceptible. En gros, je vous explique. Vous êtes en cercle et à 1, 2, 3, vous dites tous ensemble le nom de la personne que vous aimez le moins. C'est hyper drôle. Et après, vous faites une sorte de confessionnal pour expliquer le pourquoi du comment. Allez voir qui dans cette équipe a été éliminé. Il ne s'en remet pas. un indice, ses sourcils non plus. Oh. Grosse émission les amis ce soir, on aura du monde au téléphone tout à l'heure, on aura Valentin qui a des histoires de ouf, de coloc à nous raconter et nous aussi, on vous a trouvé les pires histoires de coloc du monde, c'est drôle, restez là. Et puis on aura Pierre qui n'arrive pas à pécho à cause de son travail. Oui je sais, c'est bizarre, mais son travail l'empêche d'aller voir les filles. Appelez-nous si vous aussi, là c'est votre cas, 01 42 48 5000, le pourquoi tu m'appelles, le Pokélost et le Wesh c'est qui, gros programme. Pour le son, vous me dites oui, vous me dites non, j'ai envie de The Weeknd et les Daft Punk. Alors, ah oui, pas mal. Je dis oui. Pas mal. Un grand oui. Je trouve qu'il est d'une sensualité. De toute façon, The Weeknd, c'est un groupe qui a été créé pour faire l'amour. Voilà, tout ce que je dis. Et puis on aura aussi une nouveauté qui est géniale, c'est Sean Frank. Sean Frank, qui d'ailleurs n'est pas en reste hein, sur les câlins. Ah oui. C'est vrai que c'est sexy. Hein. Mm. Ah bah ça c'est mon show là. Bonsoir Amir des réseaux sociaux. Bonsoir Marion, bonsoir Anne. Ou devrais-je dire l'exclu? L'exclu. Ça va Michon. Oui, il y a eu quelques votes contre toi, c'est vrai. Ouais, c'est justifié. Mais surtout, il faut dire que dans cette vidéo, à chaque fois, les justifications sont drôles. Oui. En réalité, on n'aime pas vraiment pas les gens. Ouf. L'explication de Pablo le stagiaire, je pense qu'il y a un peu de vérité. Ah mais le pauvre, il en a deux thunes. Et là, je vais être très honnête, mon explication. Il y a un mini fond de vérité. Oh merde. Allez voir, je vous en dis pas plus. Bon, ça va toi? Bien, bien, bien. J'ai passé une belle journée, comme chaque jour. T'imagines le mec qui arrive à la radio. J'ai passé une journée. Mais de merde, bah, c'est simple. Ma vie, c'est de la merde, les gars. Les impôts, la galère, les bouchons. Tout qui tombe dessus avec tout ce qu'on nous envoie dans le ciel. Non, je suis content parce que j'ai découvert une nouvelle appli, les filles. Ah, raconte. Une appli qui va vous permettre de gagner du temps dans votre vie. Mais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Bah dis-nous. Est-ce que ça vous fait chier de faire la queue, par exemple, au Apple Store, au magasin Intermarché pour le poisson? Ah oui. Eh bien, sachez qu'il y a une application qui émet pour vous un chiffre virtuel. Mm-hmm. Et qui va vous dire, ok, allez sur place à 11h30 et ce sera votre tour. Alors attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il calcule quand il n'y a personne là-bas? Il calcule rien. En fait, ça s'appelle Linebertty, L-I-N-E-B-E-R-T-Y. Et en gros, ça va s'installer dans toutes les structures de France, dans tous les musées, partout. Et du coup, bah en fait, je sais pas si je suis clair là. Non. Mais si, t'es clair, mais c'est clair. En fait. Ça va s'installer partout. Ouais. Et du coup, tu vas sur l'application, tu dis, bah voilà, je vais partir à la poste. Ça va te donner un ticket qui va être le numéro 92 à 12h30. Et tu vas à 25. Et du coup, le ticket fait la queue pour toi, quoi. Mais oui, mais le temps que ça s'installe là. Ah, j'ai compris. Ah, mais c'était déjà en route là depuis un moment. Ah bon? Ah, petite dame. D'accord. Ah, cool. Ça veut dire que t'es pas obligé d'aller au guichet chercher ton ticket. Ah, bien c'est sûr un ticket non, virtuel. C'est avec ton téléphone. Ah, c'est canon. Ah, si, donc, c'est vachement bien. Par exemple, tu vas au Carrefour, il y a la queue de ouf. Toi, tu passes devant tout le monde avec ton ticket virtuel et tu dis, je suis là. Ouais. D'accord. Elle va dire numéro 95. Ah voilà. Oui, en fait, il y aura des caisses dédiées. Je sais pas trop parce que j'ai pas appelé le siège de Carrefour. Mais... Bah, c'est si. Quand tu passes là où il y a les trucs avec les numéros. Ça marche que dans ces cas-là. Je pense que je vais présenter une application qui expliquera mieux cette application. Ouais, merci Amir. Ouais. Écoute, on va se renseigner. Ça s'appelle Linebertty. Linebertty, allez-y, c'est gratos et en gros, bah, vous allez plus faire la queue, ça va être très rapide partout. Moi, je te la prends. Moi aussi. Bonsoir Thibault à l'aréa. Coucou les filles. Ça va toi? Ouais, ça va, je suis super pensif en ce moment là depuis que je travaille avec vous. Pourquoi? Ouais, parce qu'en fait je me suis dit si le mot aimer n'existait pas, je pense que de toute façon je l'aurais inventé en vous voyant. Oh là là, il me fatigue. Mais il me fatigue, hein. C'est pas possible, Bichon, d'être comme ça. Il y a mes plaques qui me reviennent, ils m'énervent. Salut Enzo du Standard. Salut l'équipe, salut toute la France. Ça va toi et tes muscles? Ouais, ça va, ouais, j'ai ressorti un peu. Ouais, le mec gonfle de jour en jour. Hein. Franchement, petit look, petit mec gaulé un peu. Ouais, ouais. Pourquoi t'as enlevé ta chemise? Il était plutôt pas mal avec sa chemise à rayures. Là. Non, mais il est pas mal en ce moment, il est pas mal. Ouais, je suis mannequin maintenant. Ouais. Alors, juste, je voulais te dire par rapport à tes photos sur Instagram, tout ça. Mec, tu ne bosses pas pour The Couples. Donc calme-toi. Alors, figurez-vous que j'ai été pris dans une agence de mannequinat. Bah, arrête tes conneries. Je vous assure que c'est vrai. Ça s'appelle. S'appelle Vitry Mannequinat. C'est ça. C'est pour défiler dans les rues de Vitry. Celui, bah, le deuxième mannequin de l'équipe, c'est Yannick du Standard, ça va? Salut les filles, salut tout le monde, ouais, ça va. Est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, le ou la première auditrice de la soirée? Ouais, c'est Cyril, 20 ans de Châteauroux. Alors lui, il veut faire le plongeon dans le grand bain. Il veut se lancer sur YouTube. Ah, il veut se lancer donc. Bonsoir Cyril. Salut Marion, salut Enzo, salut toute l'équipe. Ben, salut à toi, ça va aussi. Bah ouais, ça va et vous? Bah très bien, alors tu veux te lancer sur YouTube, c'est-à-dire? Eh ben en fait, je regarde un peu les chaînes YouTube d'humour, tout ça. Je regarde aussi ta chaîne YouTube, Marion. Je regarde la chaîne YouTube de l'émission et tout. Puis ça m'a donné envie en fait de commencer une carrière de YouTuber. En fait, j'ai envie de faire une chaîne YouTube sur de l'humour, où il y a de l'humour sur l'actualité en fait. Ouais. Sauf que bah j'aimerais avoir des conseils pour débuter et puis être un bon youtubeur quoi. Alors je te propose de demander à la professionnelle Marion de, mais pas Marion de Marion et Anne Night Show. Non, Marion de Marion Facecam s'il te plaît. Est-ce que tu as le matos déjà, tout ce qui est appareil photo et tout? Ouais, j'ai tout. Ah bah c'est déjà un bon point parce que c'est pas donné tout ça. Écoute, moi je pense qu'il faut surtout que tu trouves un truc qui n'a pas été fait, un concept un peu original. C'est bien de parler de l'actualité, mais il faut que tu trouves une manière d'en parler. Si jamais toi t'es pas trop calé sur l'humour, il faut que tu t'aides peut-être avec des potes qui savent bien écrire tout ça. C'est hyper important, ce que tu vas raconter, c'est hyper important. Et après la forme, en vrai, on s'en fout que tu sois dans ta chambre, dans ta cuisine. C'est le fond qui compte, je pense. Aujourd'hui sur YouTube, c'est le fond qui compte. Bravo, bien joué. Merci. Mais en vrai, je vais garder tes coordonnées si tu veux qu'on en parle et tout. Moi, je suis loin d'être une experte, mais alors pas du tout. Mais comme on a reçu plein de youtubeurs ici, eh ben peut-être qu'on pourra te donner 2-3 tuyaux. Puis même Amir, il s'y connaît vachement, donc. Ouais, bah pas de souci. Voilà, Cyril. Et puis moi, je serai là pour.